Allez, attention, c'est une nouvelle formule, hein, donc Fabien, tu ne connais rien de ce qui va se passer. Putain, je suis dans la merde. Attention, c'est parti, vous êtes prêts? Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Cats, motherfucker. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Powercast. Oh là là, ça fait un bout de temps que nous n'en avons pas fait. Ça fait un bail ou quoi? Ouais, ça fait une paye même, j'ai envie de te dire. Quoi de neuf? Eh bah écoute, on a pris de l'âge hein, avec Jules, on a pris des cheveux blancs. Non, ça fait pas si longtemps, mais en vrai, c'était chaud d'organiser des Powercasts en présentiel finalement, parce qu'on est tous un peu éparpillés. Du coup, on s'est dit... avec Jules, à l'unanimité, qu'on allait reprendre un peu les Powercasts pour un peu alimenter cette saison 3 qui a commencé avec un seul épisode pour l'instant, en faisant des épisodes à distance et que en podcast d'ailleurs, parce qu'on s'est dit pourquoi pas arrêter pour l'instant les lives de Powercasts qui finalement n'apportaient pas tant que ça. On a fait un sondage auprès de et il révèle que bah, ouais, c'est vrai que les gens l'écoutaient plus en podcast après, donc en soi pas très utile de continuer comme ça pour l'instant. Après voilà, peut-être qu'on reviendra hein, après, mais... pour l'instant on s'est dit que c'était une trop grosse contrainte pour le peu de vues slash écoute que ça faisait, enfin voilà. Voilà, et on reprend du coup des enregistrements on va essayer d'en faire un peu plus souvent, du coup, comme on a cette config-là. Ouais, là, pour le coup, ça va être beaucoup moins contraignant. Voilà. Et avec qui on est ce soir, Jules? Je te propose de les présenter. On est d'abord avec Camille. Camille, bienvenue, c'est ta première fois au Powercast. Et on applaudit Camille. Ouais, on l'applaudit, mais alors très peu, parce qu'on est à distance. Voilà. Et on est également accompagné bah alors là, d'un mec qui est également podcaster et qui est déjà venu, Fabien. Bonsoir. Bonsoir Fabien. J'en fais mon bonsoir du premier podcast. Ah ouais, c'est exactement le même. J'avais fait un truc un peu comme ça. Ah ouais, mais c'est le seul. J'ai révisé. Pour la promo, on les mettra côte à côte. Ah voilà, c'est ça, pour tester, pour voir. Allez, pour dire, il n'a pas changé. Travail de montage, du coup, c'est cool, merci. Désolé. Exactement les mêmes. On est avec Fabien, mon grand frère. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bravo. Fabien. Bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, Jules, de quoi on va parler aujourd'hui? On a un peu changé la formule aussi, parce qu'on s'est dit qu'on change en fait un peu nos habitudes, on arrête le Powercast en live, ouais, on va changer un peu la formule. Donc on change un peu l'ordre, on va arrêter un petit peu les présentations avec le fameux, on peut le dire une dernière fois, Jules? Le fameux Fist and Curus, mais même ça on avait arrêté de le dire. Mais oui, c'est vrai, mais du coup on le dit une dernière fois, et maintenant on a une question, on en a même deux questions. Voilà, les questions pour mieux connaître nos invités, grâce à un site qui s'appelle maquestion.com. Et ça va s'appeler Feta et Curie maintenant, c'est ça? ça aurait dû appeler comme ça dès le début en fait. On aurait pu, ouais, trop bien. Donc maquestion.com qui est un site qui regroupe 200 questions pour apprendre à connaître quelqu'un. C'est juste ça, c'est le site. C'est exact. Du coup, on va commencer avec une première question. On la pose à Camille d'abord et après Fabien y répondra. On peut faire ça et après on peut l'orienter à Camille et ensuite poser la seconde à Fabien. Et de toute façon, on peut tous répondre voilà. Si vous voulez, je me bouche les oreilles. Hein. On va te poser la question à toi aussi de toute façon. Enfin, okay. On va tous être amenés à intervenir. Tu veux la lire, Jules? Je te la laisse. Bien sûr. Eh ben, allez, vas-y. Alors, Camille, alors je vais te vous voyer parce que la question est écrite comme ça. si vous pouviez transformer n'importe quelle activité en un sport olympique, laquelle et pourquoi? Oh là là. étant donné que je passe beaucoup de temps dans les jeux vidéo, je pense que les jeux vidéo pourraient devenir un sport olympique. Ouais. L'e-sport olympique. C'est ça. On n'est pas loin. Ça il y a déjà les échecs qui viennent d'être reconnus. J'ai écouté le floodcast d'aujourd'hui là, et les échecs viennent d'être reconnus comme sport, on va dire vraiment officiel, et donc potentiellement peut-être l'e-sport qu'on pourra. Mais que le pion du chevalier, donc c'est compliqué. Oui, que lui qui a été reconnu. Tous les autres ne sont pas reconnus. Et que la case E4. c'est qu'un début. Hein. Ok, non mais très bonne réponse, et Fabien. Tu peux répéter la question? si tu pouvais transformer n'importe quelle activité en un sport olympique, laquelle d'abord? Et ensuite pourquoi? J'aurais dû réfléchir en fait pendant que tu disais. Mais juste chercher des blagues en fait. Et ben écoute, n'importe quelle activité en un sport olympique. Enfin, ça serait le dessin. Que... Ouais, je pense que en vrai le Gartic Fun en sport olympique, ça serait excellent. J'avoue. En vrai. Ah, ça serait j'aimerais le voir. Ça marcherait, c'est déjà encadré avec des règles et tout. Plus ou moins. Bah, je veux dire. Bah, après, je vois pas comment tu peux définir le gagnant et tout ça. Mais un, bon, un code names ouais. Olympique, ça serait énorme. Non. Ah ouais. Je sais pas en fait. Ouais, bon, bref. Non, okay. Mais des jeux de société, genre avec un gros challenge, ça pourrait être sympa. Il y a déjà les échecs, mais genre Seven Wonders, ça pourrait être sympa. Ouais, carrément. Bah, le sport de l'esprit, du cerveau finalement. En fait. Ouais. Toi Camille, c'est quoi l'activité que tu fais genre en hobby mais que t'es forte à ça? À part le dessin parce que je t'ai vu un peu dessiner aussi. L'activité que je fais en hobby, bah, la cuisine en vrai. Championnat de cuisine aux Jeux Olympiques, ça serait marrant en vrai. Ah, ça serait trop ouais, ouais. Je pense. Franchement moi Le théâtre d'impro. Le théâtre d'impro ouais. Alors ça ce serait bien dur à juger, mais en vrai ce serait bah si un match d'impro. Les Jeux Olympiques seraient beaucoup plus suivis en vrai, je pense à la télé. Ah ouais, mais tu fais un match d'impro au JO, mais ça serait excellent en vrai. Ouais, Monsieur Fraise, médaille d'or. Il dirait rien, il dira rien. On a des très bonnes équipes. Ouais, j'avoue. Ok, deuxième question. Ah pardon, Julius. Vas-y. Ah non, je savais pas que tu voulais qu'on passe à tout le monde. Vas-y. Ah ouais, moi je réfléchissais à une réponse. Moi. Ouais, moi je comptais faire un petit tour. C'est orienté. On la pose à quelqu'un, mais tu veux que je te redise la question, Jules, peut-être. Non, ça va. T'inquiète, je m'en rappelle. Moi j'ai un petit truc. C'est sur mon téléphone, il y a une application de batterie et il y a un moment, je l'ai vraiment tellement squatté que j'étais devenu fort et j'aimerais bien que ça devienne un sport olympique. Ouais, j'ai cru que c'était un truc pour économiser ta batterie sur le téléphone. J'ai dit non, l'application Drums avec des cymbales et des tambours. Ça, je pense que. Je pourrais carrément bon à cet appli, ouais, je m'en souviens. Il fut un temps. Mais finalement, en fait, bah, juste tu jouerais de la musique, quoi, en gros. Bah, c'est ça. Mais la musique, ça pourrait pas être un sport olympique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et le monde en serait bien plus beau. Ouais, hein. Et toi alors, Clem? Je sais pas, moi je réfléchissais à un truc marrant, ça serait genre le lancer d'avion en papier, tu vois. Ça serait genre, trop bien à suivre. Ah, en vrai, ouais, je pense. Il y aurait ouais. des équipes et tout, les pliages, t'estimerais un peu les meilleurs pliages, et puis après ça lance sur une énorme piste, et là, tu suis au ralenti l'avion qui vole et tout. Ce serait incroyable. Si on va là-dessus, il y aurait les tricks à faire avec les balles de ping-pong, tu sais, qui finissent par atterrir dans un gobelet aussi, j'avoue. Ah ouais, et tu pourrais faire des trucs de fou, tu sais. Oh, les trucs comme Domino Day, mais genre avec. Ça fait tout un parcours. Le parcours le plus long, là, comme ça, avec Domino une bille Day. Ou je sais pas quoi. Domino Day, j'adorais quand j'étais petit. Ah, c'était trop bien. Fasciné par ça. Avec Dave. Mais Domino Dave, on l'appelait Domino Dave à l'époque. Son nom de scène. Vous avez eu des dominos, vous? Ouais. D'ailleurs, je suis en train. Là, il y a des cartons. Je crois qu'il y a un carton de domino là. Ouais. À côté bah, de moi. Mais fait, ça ne sert à rien de dire ça. L'époque de Domino Day, avec Fab, on a, bah, qui est mon frère, hein, pour ceux qui ne le savent pas, on était devenus des fanas de domino. Ça a créé des passions pour les dominos chez plein de gens. En fait, dans la rue, je poussais des gens, les gens qui faisaient la queue, comme ça, je les poussais et puis ils se rentraient les uns dans les autres, comme ça. Et puis c'était à la passionnant. Fin, t'avais le dernier qui tombait sur un truc, ça actionnait une petite voiture qui faisait un looping. une vraie voiture. Ah oui, ça c'était le mélange de voiture. Moi j'avais ça, j'avais Domino Express Racing, c'était trop bien. Ah, trop stylé. Clément, deuxième question. Alors, du coup, on commence par Fabien. Fabien, je vous vois, du coup. Quel divertissement aimeriez-vous pouvoir effacer de votre esprit afin de pouvoir en refaire l'expérience pour la première fois? Alors, ces divertissements, ça peut être une série, ça peut être un film, ça peut être... Ça peut être une activité ou une œuvre. Ouais, voilà. Une grosse découverte, en gros, pour la redécouvrir. Ouais. Bah, en fait, les films avec le genre... Sixième sens, ou, enfin ceux qui ont un twist de ouf comme ça, pour revivre ce moment où tu fais putain et tout comme ça, c'était trop bien. Mais là j'en ai plein qui me viennent en tête, mais en gros voilà, les Nia Chamalan. Ouais. Moi The Visit, j'aimerais beaucoup l'oublier pour le redécouvrir. Parce que là du coup ils ont plus la même saveur du coup. C'est vrai. T'as plus ce truc de fou. Camille, ça serait quoi toi? Moi j'en ai trois en tête. Balance, hein. J'ai les Doctor Who, toute la fin, je veux dire. Ah ouais. Tu sais que c'est l'un de ceux que je voulais dire aussi. Ouais. Parce que vraiment, je pense que l'été où j'ai regardé, où j'ai binge watché Doctor Who, c'était le plus bel été de ma vie, je pense. Moi aussi, c'était une période trop ouf, moi aussi. Ouais. ça. Downton Abbey, j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'aimerais redécouvrir la série. C'était vraiment une série que j'avais jamais vu. Vraiment bien. Et j'ai perdu l'autre. Oh, le Harry Potter, juste comme ça. Pour voir ce que ça ferait, les redécouvrir les livres, maintenant. Ouais, les relire, les re-regarder. Enfin, j'aimerais pouvoir redécouvrir maintenant ça. Ouais, ouais, j'avoue que c'est trop ouf. Moi, j'ai fait les films et ensuite les livres, c'était trop ouf. Ouais. J'aurais une réponse, mais ça fait partie de ma recommandation culturelle, donc je vais pas. Bah, garde-la de côté. Écoute. Voilà, c'est ça. Alors, on se fera écho à la fin de cette émission. Exactement. Moi, Jules, j'ai même pas d'idée pour l'instant, donc je te laisse donner des exemples. Ouais, en fait, qui a pas bossé son émission. Ouais, en fait, c'est nous qui avons écrit les questions. Enfin, on a copié les questions. Mais non, mais en vrai, après, c'est vrai que c'est comme Fab, les twists, enfin les films à twist, évidemment, j'aimerais en revoir plein. Ou même, je pense, revoir Interstellar comme la première fois que je l'ai vu, tu vois, en mode, c'est tellement fou. Ou même plein d'albums aussi, ou de musique, genre les Daft Punk, tu vois, Random Access Memory, le redécouvrir depuis le début et tout. Redécouvrir, dire putain, mais c'est de la frappe. Ouais, c'est ça. Pourquoi j'ai jamais écouté ça, c'est ça, ouais. Des albums d'Orelsan aussi, ouais, ça pourrait être pas mal. Mais en fait, j'ai un kiff à faire ça avec ma copine. Des fois, je lui fais découvrir des artistes ou des albums qu'elle a pas forcément découvert. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un kiff à faire. Tu dis, mais moi, on va pas dire ça a changé ma vie, mais ça a tellement marqué ma vie, cette musique ou cet album. Et de le faire découvrir à quelqu'un d'autre, c'est trop bien de voir dans ses yeux le fait de, putain, c'est fou. Et voilà. Ouais, j'avais fait ça avec mon ex, avec Harry Potter. Elle avait jamais vu les Harry Potter. Et trop bien. Genre, voir un regard de quelqu'un qui a jamais vu Harry Potter, c'est assez ouf en fait. Et puis tu sais, t'en profites un peu, tu dis bon, on va les remater pour te refaire découvrir. Exactement. Ça, toi, en vrai, refait. Ouais, du coup, tu le revis pareil. Machin. T'as l'impression de le revivre aussi en même temps que elle le découvre, tu vois. Enfin, c'est cool. J'ai eu ça aussi avec Retour à le futur avec une personne aussi. Ah, trop bien. Mais j'ai découvert Retour à le futur avec toi, Fabien, d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais. Tu l'avais jamais vu ? Non, je m'en souviens, on avait regardé ça dans ta chambre et j'avais été en mode waouh. Il est trop bien, c'était trop bien. Ma display de Marty McFly plus soi. Et toi donc Jules, ça serait quoi alors ? Eh ben moi j'avais déjà Doctor Who comme Camille, parce que c'est vrai que c'était une période trop ouf où tu commences à découvrir et t'es là, bon j'aime bien ce docteur, et puis après t'as David Tennant qui arrive, donc t'es encore plus content. Redécouvrir l'épisode de l'embouteillage qui est peut-être mon préféré. J'adore celui-là. Ça c'est pas le macho ça. Non pardon. L'épisode pas le macho de l'ambiance. Il y aurait ça. Il y aurait peut-être. Il y aurait un truc, c'est redécouvrir la faire de la batterie qui est derrière moi. Redécouvrir la batterie parce que en fait je me souviens que la première fois que j'ai vu une batterie j'ai fait genre waouh, mais j'aimerais bien ressentir ce sentiment, tu vois. Bah, surtout que maintenant t'en as fait le tour, on peut le dire, t'es un professionnel de la batterie. Je suis un professionnel. T'en es lassé finalement. Les yeux bandés, je joue. Et un troisième truc, ce serait le jeu Batman Arkham City, qui est un de mes jeux préférés avec Smash et Apex. Et Batman Arkham City, j'ai fait l'histoire, j'ai refait l'histoire, et ensuite je suis allé chercher tous les easter eggs, j'ai fini toutes les quêtes annexes. Je l'ai pas fini à 100% parce qu'il y a trop de défis, mais 96% c'est déjà beaucoup. Ouais. Et redécouvrir tous les easter eggs, et en fait c'est un peu ça qui m'avait relancé dans la passion des comics et tout ça. Et c'est revivre ça, super jeux, les Arkham, hein, les Batman. Ouais, Arkham, ouais, ouais. Je les aime tous. Oubliez ce qu'était Spider-Man, le jeu, et sur PS4, pareil, moi. Ouais. Alors, je préfère Spider-Man, mais ouais. La liberté, comme ça, infinie. Et Zelda aussi, peut-être. Ouais, Zelda Breath of the Wild aussi, si je pouvais l'oublier et le refaire, j'adorerais aussi. Bon, écoutez, on vous connaît un peu mieux, on nous connaît mieux maintenant, c'est cool. Bah ouais. On en a appris un peu plus. On se connaît mieux nous-mêmes. Et ouais, et on va passer tout de suite à au premier jeu de ce soir qui nous est proposé par Fabien. Fabien est gentiment arrivé avec dans sa besace un jeu dont on ne connaît rien. Il nous fait la surprise. Que pouic. On t'écoute Fabien et on est prêt à jouer. Alors, déjà, est-ce que vous avez tous vu Tenet ? Absolument pas. Ah merde ! Non, c'est vrai, t'as pas vu Tenet ? Non. Ah merde ! Bon bah, du coup, on va passer à autre chose. Non, je déconne, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a Robert Pattinson. Non, mais vraiment, du coup, Clément a vu, mais Jules et Camille, non. Ok. Bon, en gros, dans Tenet, il y a une bonne partie où il y a des inversions de temps. En gros, des personnages qui, au lieu d'aller dans une direction du temps, ils vont à l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'ils marchent à l'envers si tu le croises, mais pour lui, c'est nous qui marchons à l'envers. Voilà. C'est, ça, c'est un peu ça le principe. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'en faire un jeu qui s'appellerait le Reverse Film. C'est-à-dire que je vais vous lire le scénario du film à l'envers et vous allez devoir deviner quel film c'est en question. Ah, ça va, je croyais qu'on allait être complètement handicapé par le fait de ne pas avoir vu Tenet, mais en fait, ça va. Non, non, c'était juste le principe, en fait, en gros. Parce que j'ai revu Tenet récemment. D'ailleurs, sans spoil, ça fait écho vraiment à la guerre en Ukraine actuellement. C'est très, très bizarre. D'accord. En le revoyant récemment, j'ai fait, putain, il y a des scènes qui se passent à Kiev, d'autres qui se passent avec des Russes. Enfin, c'est très bizarre, en vrai. Ah, bah, c'est peut-être le moment pour moi de le voir, du coup. Ouais. Voilà. Et ben du coup on va commencer si vous voulez bien. Mais bien sûr. Est-ce que vous avez des questions d'abord ? Non. Okay. Non, je te fais confiance. On va commencer simple. Alors bon, je précise que du coup ça va raconter la fin des films, mais en gros c'est des films que c'est des films occultes. Voilà, des films qu'on a déjà vus et voilà. Donc. Et quand ça cite un peu le nom du film ou quoi que ce soit qui donne trop d'indices, je saute la phrase. Très bien. Donc, il se ferait un chemin jusqu'à différents emplois avant d'être embauché. Man of Steel. Non. Les deux décident de postuler et sont embauchés pour travailler dans la salle du courrier. Voyant une annonce demande d'aide pour des offres d'emploi chez... The Internship. Comment ? The Internship, c'est pas les stagiaires ? Non. C'est Bienvenue chez les Ch'tis ? J'ai pensé. Non. Hard Scrabble admet qu'ils l'ont surprise et exprime son espoir qu'il continue à le faire à l'avenir. Et là, ça va vous aider. Quoi ? Alors que Bob et Sully quittent le campus... Monstre Academy. Oui, bien joué. Ah mais d'accord. Voilà. Tu sais qu'en plus j'allais te poser la question, est-ce que c'est le genre de plot où là c'est assez vague, mais en vrai c'est un truc qu'on n'imagine pas du tout et en fait oui. Non, c'est vraiment le film à l'envers. Ouais. Je remonte le film à l'envers. Et alors t'as pris quoi? T'as pris des résumés de films que tu. Ouais, c'est les résumés sur Wikipédia. Voilà. D'accord, très bien. Exactement. Bon, je lis quand même la phrase dans le bon sens, sinon ça ne voudrait rien dire. Ça sera un peu compliqué. Alors. Donc là, attention, c'est un peu plus compliqué. Ok. La dernière phrase de Pierre en voix off, Pépino avait raison d'y croire. Les choristes. Ah oh, oui, putain. Bah oui, mais Pépino. Bien joué. Bah continue, bon. fais-la rapide. Du coup. Ah, ok, Pépino avait raison d'y croire, le jour du renvoi de Mathieu, c'était un samedi. Cependant, le bus s'arrête quelques instants plus tard et Clément accepte. Les deux partent ensemble et le film se conclut sur. Clément refuse d'abord, n'y étant pas autorisé, et laisse Pépino. Bon, bref, voilà. Il y a un Clément dans le. Attends, Mathieu. Mathieu bah, c'est le héros principal, je crois. Clément, c'est le. Oui, c'est Gérard. Mais Clément, il s'appelle Clément dans le film. Attends, et Morange. Ah non, c'est pas Clément Morange, Jean-Baptiste Monnier, là. Si, je crois. Hein. Attends, Mathieu, je vais vous dire ça. Alors, non, Gérard Jugnot s'appelle Clément Mathieu et. Pierre Morange. C'est Pierre Morange. Voilà. Il y avait des chansons qui faisaient peur des choristes, je trouvais. Ouais. C'est tous ces chants d'enfants, là. Ouais, alors, un peu plus simple. Du coup, oh là là, j'avais pas préparé correctement. Alors. C'est un peu plus simple et ça va aller très très vite, ok ? Bah, déjà vas-y. Là, ça allait très vite parce que t'as dit Pépino. Mais... Captain America, dans une vidéo éducative parodique, vante les bienfaits, oui, bien joué, de la patience et félicite le spectateur. C'est la scène post-générique du coup. Ouais, sur le MCU, vous pouvez pas m'avoir. Bien joué. Dans ma tête, ça a fait. J'ai entendu Captain America, j'ai fait. Hop. Et si je ramène Jersey Shore. Alors, attention, là, un peu plus dur, et je pense que là, vous allez galérer. Ok. L'inspecteur, quant à lui, est muté en Guyane, où il se rend au lycée par la forêt amazonienne en pirogue. Les professeurs engagés se voient alors donner des propositions de mutation, mais ils décident finalement de rester à Jules Ferry. Le lycée compte un échec en moins et est finalement sauvé en passant donc à 50% de reçu au bac. Je crois que je l'ai. Mais à la suite du renvoi de l'élève Boulard par le CPE à cause de sa légendaire paresse, c'est les profs. Échoué. Ouais, c'est ça, c'est bien joué. Le truc en Guyane, ça me disait quelque chose. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à Patrick Bruel dans le film Le Jaguar. Alors que voilà. Et j'en ai plus que deux. C'était un petit. Donc là, c'était vraiment un jeu pour Jules, je me rends compte. Mais en même temps, je pensais à Jules quand je l'ai écrit, donc je suis content que ça. Là, c'est plus compliqué, attention. Rainer Wenger est arrêté et emmené par la police et s'effondre en réalisant les conséquences de l'expérience. Caro et Marco, qui se réconcilient et contemplent l'horreur de la conclusion de leur mouvement. J'ai un peu changé parce que sinon ça vous dit le titre. Bomber est amené d'urgence à l'hôpital. Le cadavre de Tim est transporté dans un cercueil. Qu'est-ce que c'est ? Ce dernier, accablé par Rainer, qui lui dit de se reprendre, qu'il serait inutile de le tuer et que le mouvement doit s'arrêter. Il se met à pleurer avant de se suicider en se tirant une balle dans la bouche. Il commence par tirer sur Bomber, un élève, avant de menacer Rainer, qui tente désespérément de raisonner Tim. Alors, je pense que vous ne l'avez pas vu. Si ? Ah, si. C'est Full Metal Jacket ? Non, tu es presque. Ah. Alors, je vais vous aider un petit peu. Mais c'est alors que Tim, fou de rage et de chagrin, que la vague, qui lui a apporté tout ce qu'il n'avait pas, s'arrête, sort un pistolet, bondit sur l'estrade en obligeant tout le monde à rester. En fait, là, j'ai dit le titre du film. Si vous avez... Quoi ? La vague ? Ouais, c'est ça, c'est La Vague. Dès que j'y ai pensé, la vague. Je me suis dit, mais je pense pas. Longtemps que j'ai pas c'est vu. C'est un film allemand. Il est trop bien. Ouais, c'est un film allemand hyper intéressant. D'ailleurs, en vrai, ça serait peut-être le bon moment de le regarder. Ouais. Et enfin, un dernier. Attention. Alors, ça va être dur, je suis désolé pour la prononciation. Keating est profondément touché par leur geste et avant de partir, remercie les garçons. Vas-y. Nolan est atterré. Oui, c'est ça. Bien joué. Le cercle des poids disparu. C'est quoi le nom ? Keating ? C'est le nom du prof ? Keating. Ouais, c'est Keating. Ça qui m'a... Ouais. Bravo. Moi, c'est le... Il salue et remercie. Ouais. Salut et merci. Et c'est pas mal ce jeu. Et bah voilà. Ouais, petit jeu qui spoil la fin de tous les films. Alors, du coup, vous auriez remarqué peut-être qu'il y a un point commun dans tous ces films. C'est qu'ils parlent d'éducation. Et d'école. Et du coup, je laisse Clément faire la transition. La transition est toute trouvée. C'est oh, incroyable. Et oui, parce que aujourd'hui, on va parler d'un thème qu'on n'a pas encore fait, parce qu'on a évoqué les années école supérieure, les années lycée, les années collège. Il nous restait une dernière, un dernier. On a fait les écoles supérieures. Ouais, on avait fait sur l'ARFIS. Ah ouais. Crois, avec qui? C'était avec qui? Bon, peut-être qu'on l'a pas fait. Bon bah, ça va. Il nous reste quelque chose. Mais ouais, on fait la trilogie dans l'autre sens, collège, lycée. On vient là, oui, c'est comme ça. Et du coup, on va parler des années scolaires, nos premières années d'école maternelle et primaire. Et on a la chance, du coup, d'avoir Camille ce soir, qui est elle-même professeure des écoles. Alors, rappelle-le, dans quel niveau, Camille, tu es en ce moment ? Alors, en ce moment, CM1, CM2 et grande section. Mais en fait, tous les niveaux, puisque le mardi, je suis remplaçante et je peux tout avoir. Donc elle a toutes les connaissances. Tu es représentante de l'éducation nationale aujourd'hui. Voilà. Voilà. C'est notre quotient éducation nationale sérieux qui est là ce soir. Alors que nous, on est juste des mecs qui ont été à l'école. Qui ont fait. Déjà, on en est sortis, c'est pas si mal. Ah, c'est bien. Bravo, Jules. Bah ouais. C'est vrai. Même pas redoublé. Bien, moi j'ai même sauté une classe à l'école. Oh bah alors, petit fou. Et t'as redoublé aussi. J'ai redoublé au lycée, donc ça. Ouais. T'as redoublé Clément ? T'as redoublé laquelle ? Bah la terminale. J'avais redoublé. Ah mais oui, c'est vrai, oui. Bon, on en a parlé probablement dans l'épisode spécial lycée. Je vous propose de le réécouter juste après cet épisode. On a tellement trois saisons de ce podcast. il en peut plus. Moi j'ai pas sauté ni redoublé finalement. Voilà. Je suis resté tout juste. T'es lambda. Sur ces applis. Alors on a noté quelques axes abordés, des idées qu'on avait. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder pour commencer, Jules? Je sais pas, dis-moi. Eh bah, justement, profitons d'avoir une institutrice, puisque le premier axe qu'on avait, c'était les maîtres et les maîtresses qui nous ont marqués dans le bon et le mauvais sens. Et du coup, peut-être qu'en disant nos anecdotes, on aura peut-être le contrepoids, le contre-argument de Camille qui fera pas l'avocat du diable, mais justement, mais voilà. Déjà, moi, j'ai des anecdotes horribles. J'aurais posé une question à Cam, c'est toi, qu'est-ce qui t'a inspiré pour être professeur des écoles? Est-ce que toi, t'as des professeurs... Non, mais je travaille pour la téloche, en fait. Est-ce que toi, il y a des professeurs qui t'ont vraiment marqué pour que tu aies cette vocation après ou pas? Ou pas du tout? Alors, non. Alors... C'était pas une vocation du tout. D'accord. C'était un choix par dépit. Un choix hasardeux. C'est bon. Bah, après, on t'inquiète, je connais aussi, t'inquiète. On n'est pas obligé d'entrer dans les détails. Moi, je connais un peu tout ton parcours. T'as fait plein de choses avant et t'en es arrivé là. Voilà, c'était un choix hasardeux. Mais sinon, oui, il y a une maîtresse que j'ai beaucoup aimée en primaire, mais jamais je me suis dit tiens, elle est trop cool, je vais devenir maîtresse. Ouais, mais est-ce que du coup tu ressens un peu des inspirations maintenant tous les jours quand tu d'elle venant d'elle ou pas du tout? Non, tu vas au feeling, c'est quoi. Est-ce que au contraire t'as vu des choses que des maîtres ou maîtresses faisaient que tu te dis ouf, faut pas que je fasse ça? Alors de quand j'étais enfant, non. Mais en tant qu'adulte et en tant qu'enseignante, là, des choses que des collègues font et que je voudrais absolument jamais reproduire, bien sûr. Ouais. D'accord. Ça arrive. Ouais. Frapper les enfants, notamment. Non, pas jusque-là, mais voilà, la manière de le comportement, la manière de parler, ouais, je vois plein de choses, je me dis, mais bon sang, jamais. Poussez-moi dans les escaliers si je deviens comme ça, quoi. Ah oui. Ah ouais. Elle le dit aux élèves hein, tous les matins. S'il vous plaît. Si je suis comme la maîtresse d'à côté, oh, poussez-moi dans les escaliers. Mettez-vous en rang de par deux et poussez-moi dans les escaliers. Un jour, on te pousse et du coup, tu fais mais oh putain. Oh, c'est tout ce pudi, fallait pas le prendre. Et du coup, la maîtresse qui t'a marqué en primaire, c'était pourquoi? Tu te souviens un peu des anecdotes, des moments? C'était avec une règle. Pourquoi elle était si bien que ça? Elle était passionnante, j'imagine. Ouais, je me souviens qu'elle était juste hyper bienveillante, hyper, parce que j'étais pas très bonne à l'école. Enfin, alors j'étais bonne, mais j'étais feignante. Donc je fichais rien. Mais elle était tellement gentille et bienveillante. Et je me souviens qu'avec mon groupe de copains, à toutes les récréations, on allait la voir. Elle a fait en sorte d'avoir un double niveau pour nous garder une année de plus. D'accord. Et l'année encore d'après, quand j'ai eu une nouvelle maîtresse, on retournait la voir en récréation. Et ma nouvelle maîtresse. Elle détestait ça, en fait. Elle détestait qu'on aille voir notre ancienne maîtresse. Je pense qu'elle était très jalouse. Complètement jalouse, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Non, c'était un très bon souvenir, cette maîtresse. Elle était jalouse. Ouais, terrible. C'est toi, Fabien, il y a des maîtres ou maîtresses qui t'ont marqué un petit peu? Oui, bah après, moi, c'est surtout... en fait, un professeur des écoles que j'ai jamais eu vraiment, mais en fait, il était directeur de maternelle et il a... en gros, il organisait au sein de l'école primaire où on était avec Clément des sortes de... Enfin, une chorale, en fait, chaque année. Et en vrai, je trouvais ça trop bien. En fait, il faisait venir... bah, du coup, il y avait... Les petits, et puis il y avait aussi le groupe des plus grands. Bah, il y avait tous les niveaux. Hein. Ouais, ouais, il y avait tous les niveaux, mais je veux dire, on répétait genre bah, du coup les grands, après il y avait les moyens et je crois qu'il y avait la maternelle. Je sais plus comment c'était divisé vraiment. Mais en gros, dans un. Je sais pas comment ça s'appelle, une grande salle où on fait un peu de gym, mais pas vraiment un gymnase, tu vois. Le gymnase scolaire, oui. Ouais, ouais, mais c'était pas vraiment un gymnase, mais c'était un petit truc, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Tu sais, il y avait des blocs en bois. On appelle ça. Ouais, ouais, je me rappelle, il y avait. Salle d'évolution. C'est ouais, ça, une salle d'évolution, c'est possible. Je sais pas, nous on appelle la salle de motricité, je pense. Ah, c'est possible. Il y a tellement de noms. Est-ce qu'il y a encore les blocs en bois? Et je me rappelle, il y avait une sorte de bloc en bois qu'on empilait, c'était trop bien. On disait pas la salle, la salle d'EPS. Ah, c'est peut-être. Bah, après, on avait un gymnase aussi, donc c'est pour ça. Ouais. Bref, et du coup, il organisait en fait des répétitions de chorale, et c'était à chaque fois, chaque année, un spectacle qu'on faisait et qu'on enregistrait devant les parents dans une grande salle. La salle des fêtes de Vénissieux. La salle de fêtes de Vénissieux. La salle de spectacle de Vénissieux. Ouais, ouais. Je sais pas comment ça. Et un théâtre, je crois, plutôt. Et du coup, il y avait vraiment des micros qui étaient accrochés au plafond. Enfin, c'était vraiment bien produit, en vrai. Et après, ils vendaient le DVD et les CD après. En vrai, c'était super bien. Bah, et puis, ça a donné beaucoup... Enfin, je sais pas pour beaucoup, mais pour nous, ça nous a forcément un peu influencé pour notre passion pour la musique, quoi. Forcément. Enfin, c'est ça. Et grâce à ça, j'ai rencontré Camille. Ah ouais. Par la suite. Pour la non, mais je veux dire, l'envie de faire de la musique a conduit à faire du solfège. Après, groupe de rock et Camille. Voilà. C'est comme ça le chemin. Tout le est lié grâce à ce prof, finalement. Bah, finalement, ouais, ça commence par là. Parce que tu fais de quoi, toi, Fabien? Tu fais du piano? Ouais, du piano, clavier, ouais. Très bien, très bien. Clément. Ah pardon, il y a un blanc, excuse-moi. Clément, il fait de la guitare. Oui. Ça va. J'avais cru comprendre. Non, moi j'avais pareil que Fab aussi, j'avais ce directeur-là, mais j'avais un maître qui m'avait beaucoup marqué aussi, qui était très jeune. Bah, en vrai, je pense qu'à l'époque, il devait avoir 23 ans, donc il est plus jeune, il était plus jeune que moi maintenant, quoi. Et c'était, on était sa première classe. Ou peut-être sa seconde classe, je sais plus. Et c'était genre trop bien, on avait fait tellement de choses avec lui, on avait appris l'allemand. Bon, j'ai aucune notion d'allemand maintenant, mais je me souviens qu'on avait appris un peu l'allemand. Il nous faisait tellement d'activités et tout. Je me souviens qu'on avait, aussi communiqué avec des correspondants étrangers, peut-être allemands, du coup, je me souviens plus. Et bref, c'était genre, il était tellement passionnant et jeune et dynamique et tout, c'était trop bien. Et j'ai continué à lui écrire chaque été des lettres de mes vacances, et lui il me répondait aussi avec des lettres. Oh. Et toujours, je lui envoie maintenant des mails plutôt, parce que voilà, on évolue, hein, bien sûr. Bien cordialement. Bientôt des SMS. On a déjà mangé avec lui, parce que l'avantage c'était que ma mère est maîtresse des écoles et était dans la même école, donc elle a aussi gardé un peu le contact. On aurait dû l'inviter. C'est vrai qu'on aurait pu l'inviter ce soir. En vrai, ça serait super intéressant. Ouais. Et du coup, on a déjà mangé avec eux. On a fait des repas 2-3 fois. J'ai vu son gosse et tout. C'est trop bien. Et depuis l'école, j'ai gardé contact. Enfin, j'ai un contact avec lui au moins chaque année, quoi. Voilà. Ah, c'est trop bien. Ouais. C'est clair qu'il m'a marqué, lui. Ouais. Ouais. Tu m'étonnes. Du coup, là, il doit avoir 20 ans de plus. Il doit avoir 43 ans. Il approche de la quarantaine, quoi. Il doit approcher de la quarantaine, ouais. Parce que c'est encore dans nos standards pour l'inviter, si jamais. Ouais, c'est vrai. Bah, c'était au CE1, je crois, un truc comme ça. CE1, t'as 7 ans, 7-8 ans, non? Ouais. C'est ça, 7-8 ouais, ans. Ça. Donc, ouais, c'était il y a 18 ans bientôt, ouais, un truc comme ça. Okay. Donc, ouais, bah il a peut-être dépassé la quarantaine, ouais, du coup, t'as raison. Ça fait une super transition pour moi, parce que la prof qui m'a marqué, moi justement, c'était au CE1, et je lâche son blaze, Colette, on l'appelle Colette. C'était Colette quelque chose? Son prénom c'est Colette, je vais pas lâcher son nom. Madame Colette. Et à l'école Albert Mouton de Saint-Genis, voilà, pour ceux qui reconnaissent si jamais, hein. Et en fait, elle m'a marqué parce qu'elle a fait un truc à la fois. Elle a fait un truc hyper humiliant. Et une autre fois, elle a fait une leçon à toute la classe qui m'a été profitable. Ok. Je vais peut-être commencer par l'humiliation. Vas-y. Un jour, en gros. Alors, moi, il faut savoir qu'à l'école, et bien après, et même encore maintenant, j'étais un enfant bien dans la lune. Donc, déjà, je commençais à la batterie, donc toujours à taper sur ma table, très très chiant. Je sais pas si t'en as, Camille, mais j'allais dire je te le souhaite pas, bah voilà, j'étais l'un de ceux-là. Toujours dans la lune, c'était pas contre les cours, mais je sais pas, je regardais une fenêtre et ça me passionnait. Et je sais même pas que je regardais l'heure, mais voilà. Et du coup, j'étais souvent la tête dans la lune, et à chaque fois qu'on m'interrogeait, malheureusement, je savais pas répondre, ou alors je disais un peu de la merde. Et s'en vient un exercice un jour... Où je ne sais pas répondre et tout ça, et la prof, enfin la maîtresse, Colette, sort à toute la classe genre « Bon, est-ce qu'on fait redoubler Jules, tout le monde ?» Et tout le monde fait « Oui !» Et je fais « Ok, what ? Super ambiance !» Alors, j'ai pas osé dire non, mais bon, ouais, c'est horrible quand même, non ? Et à la suite de ça, donc moi, un petit peu triste, je suis allé raconter à mes parents. Du coup, mes parents... Illico presto demande un rendez-vous avec cette prof qui dit « Ah mais non, mais j'ai jamais fait ça. » Ah, la mauvaise foi. Voilà. Donc bon, ouais. C'était une blague en fait. C'est une super blague pour un enfant de 7 ans. C'est traumatisant. C'est spécial. Mais tu sais pourquoi elle avait dit ça ? Qui es-tu ? Mais parce que je sais pas, elle était saoulée que je sois dans la lune, mais je faisais pas exprès, tu vois. Et des fois, je la recroise dans le bus. Ah ouais, tu la vois des fois ? Je la vois dans le bus. Et tu dis au chauffeur, bon, on l'a fait descendre là ? Alors ? Hein ? La vieille mamie là. La vieille mamie. On la pousse hors du bus ou pas ? Qui vote pour qu'elle descende ? Tu sais, j'ai convaincu tout le monde avant qu'elle monte de tout. Alors, quand elle monte, je vais vous dire un truc, vous dites tous oui. T'as vu ce que ça fait ? T'as vu ce que ça fait, mamie ? Ouais. Alors ? L'humiliation. Et alors, par contre, pour sa défense, un moment où elle était plutôt juste, c'est qu'on avait un exercice, peut-être une dictée, non, ou plutôt un questionnaire, un QCM, quelque chose comme ça. Et absolument, allez, 85%, c'est très précis, de la classe avait triché. Moi inclus, on avait eu moyen d'avoir les réponses, je sais pas comment, et on s'en était servi. On a fait le contrôle, une fois qu'elle a corrigé, elle s'en est aperçue, et le lendemain, elle nous a dit, bon, là c'est évident que tout le monde a triché, je sais pas comment vous avez fait, mais il y a eu tricherie. Alors, levez la main ceux qui ont triché, et j'ai été le seul à lever la main, et elle a dit, ok, bah vous êtes tous punis sauf Jules. Oh, wow. Ah, cool. Bien joué. Wow. Le mec était honnête, le gars. Il était ouais, là. Ouais. Alors, attends. Grande gueule. Du coup, pour ça, bon, je lui pardonne pas, mais elle a ça, un, ça c'était un beau move. Hein. Ça, c'est un beau move, quand même. Il faut bien le dire. Ouais, et puis toi, t'avais des coronesses de lever la main. Ouais, ouais. Écoute, je suis comme ça. Déjà à l'époque. Moi, je me bats pour la veuve et l'orphelin, pour rétablir la vérité, surtout. Ça fait scène de film, hein, vraiment. Genre, tu te lèves et tout, comme ça, t'es tout seul. Fais, putain. Oui, je me suis levé, j'ai fait putain en regardant tout le monde. Il y a eu un gros plan. Très bien. Et je repensais à un truc parce que t'as tout à l'heure t'as dit la prof, puis tu t'es repris en disant la maîtresse. À oui. L'époque, n'empêche, et c'est toujours maintenant comme ça, Camille. Du coup, les élèves, tu leur demandes de t'appeler maîtresse. Il y en a qui m'appellent par mon prénom. Ah, ils t'appellent par ton prénom. Alors, il y en a beaucoup. La plupart m'appellent maîtresse. Mmh. Les grands, pour la plupart, me tutoient. Ouais, me tutoie. Et les petits, évidemment, me tutoient. J'ai une élève qui me vouvoie, je comprends pas pourquoi. Ah, l'ancienne. Une petite, hein, elle a genre 5 ans. Hein. Oh. Mais ouais, il y en a pas mal qui m'appellent Camille, mais... Est-ce qu'ils t'appellent Indoloveuse ? Est-ce qu'ils non, se subattachent à Twitch ? L'année prochaine, je pense que j'arriverai en classe en disant « Alors moi, c'est Madame Indoloveuse. » Vous pouvez me retrouver sur Twitch sur GoldfirePo. Suivez-moi. Non, mais si vous avez Prime, c'est gratuit. Mais moi, on est sur Sea of Thieves, c'est lourd. Je repensais à un truc, c'est genre le pass. Enfin, moi je crois que j'ai toujours tutoyé tous mes maîtres et maîtresses, il me semble. Vous aussi, les gars ? C'est le cas, je pense. Non, moi j'ai vous voyez à chaque aussi. Fois, moi. Ah ouais ? À chaque fois, moi je crois. J'ai peut-être vous voyez genre en CM2. Peut-être, oui, à partir du CM2, beaucoup de maîtres et maîtresses me demandent pour t'habituer au collège. Voilà, c'était au CE1, je vous voyais déjà. Ah ouais ? Oh ouais, mais j'avais un prof très à l'ancienne, genre. Bah, les choristes, quoi. Bah vraiment, on n'est pas loin des choristes parce que ouais. Il fumait beaucoup comme un pompier. Il est mort malheureusement d'un cancer du poumon. Mais ouais, le prof vraiment très très à l'ancienne, très très strict. Et je me rappelle, il avait un cours, ça avait marqué, un cours sur les saisons. Et en fait, c'était totalement faux ce qu'il expliquait. En gros, il essayait d'expliquer scientifiquement pourquoi il y avait des saisons, genre été, hiver et tout ça, printemps. Et il disait qu'en gros, c'était le tour elliptique de la Terre qui, à un moment, était plus éloigné du Soleil. Alors que c'est pas ça, c'est juste l'inclinaison de la Terre qui fait qu'il y a des saisons. Il y a un truc d'éloignement aussi, non ? En fait, sur été et hiver, là, on est plus loin, non ? Il y a pas un truc comme non, ça ? Bah en fait, nous on est moins du côté du soleil parce que en fait elle est inclinée comme ça. Bon. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il nous a dit une grosse connerie en disant que c'était... En fait, il nous avait tracé vraiment le soleil, il nous avait fait une ellipse, mais vraiment très très éloignée. Il disait, et en hiver, on est là, on est très très loin du soleil, et en été, on est là. Alors que c'est faux, parce que quand tu vas en Australie, ben, les saisons, elles sont inversées. Donc c'est, ouais, c'est alors j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je savais pas que les saisons étaient inversées. Mais je vous enverrai un lien sur TV Tour, on a reçu un astronome. Qui nous a parlé des saisons justement et en fait j'aurais dû suivre puisque du coup je sais pas vous réexpliquer ce qu'il avait dit mais c'était très intéressant. En gros la Terre est inclinée, Elle tourne vraiment à peu près sur un même cercle et la Terre est inclinée et du coup d'un côté ça favorise l'hémisphère sud et de l'autre côté ça favorise l'hémisphère nord. Il me faudrait un petit cours de rappel. Voilà. Et d'ailleurs, si vous allez en Australie, et ben l'eau dans les toilettes, quand vous tirez à la chasse d'eau, l'eau elle tourne dans l'autre sens. Oui, ça j'ai vu sur Nengag. Mais non. Incroyable. Ouais, oui. C'est incroyable cette histoire. Très bien. Bon, pour en revenir au maître et maîtresse, moi je me souviens aussi que, genre, les premières années. Les premiers jours au collège en 6ème, j'avais grave du mal à appeler mes profs monsieur et madame. Ça m'est arrivé d'appeler maître et maîtresse, tu vois. Genre le réflexe, quoi. Et est-ce que vous avez déjà appelé un maître ou maîtresse maman ou papa? Parce que moi, ça m'est arrivé, je crois. Ouais. Et ça, ouais. Non, moi, ça m'est pas arrivé, non. Ça, c'est grave. Alors... Moi, ça m'est arrivé, en plus, devant toute la classe, où vraiment, il n'y avait pas de bruit, j'ai voulu poser une question. Maman? Oui, voilà. Et moi, c'était un truc un peu comme ça aussi, ouais. Et après, tu fais, eh merde, la honte. Et toi, c'était vraiment ta maman, Clément, non? Bah non, toi, t'as été, non, non, on n'a jamais. Maman a fait. Ce qui est bizarre, c'est de l'appeler maîtresse jamais. À la maison, quoi. Oui, là, du coup, ça devient vraiment bizarre. Non, mais ouais, mais du coup, la grosse teon, finalement. Puis après, tout le reste de l'année, c'est t'es le fils de la maîtresse ou quoi? Alors, pas du tout. Oh, le fils à maman de la maîtresse. Trop bizarre. Tant que tu l'appelles pas mamounette, ça va. Petite anecdote, ouais. La semaine dernière, par totale erreur, un élève m'a appelé papy. J'avais envie de le dire. Est-ce que t'avais un béret, des bretelles et une petite canne, petite canne, ouais. Alors en plus j'étais très très bien habillée ce jour-là, figurez-vous. J'étais, voilà, ça m'a donc beaucoup ça t'a vexé. Parce qu'en plus j'avais demandé si un élève t'avait déjà appelé maman, mais non, ça t'est... Ça m'arrive tout le temps. Ah tout le temps, ah tu vois. Ah oui, voilà. Bien sûr. Et est-ce que ça rigole dans la classe après? Non, parce qu'ils sont petits. Oh, ça les fait rire deux minutes, mais il n'y a pas de moquerie. C'est juste, oh, bah, c'est rigolo, quoi. Mais il n'y a pas de moquerie. Ah, mais c'est pas ta maman. Oh là là. Non. Trop mignon. Alors, tant qu'on est dans les cours en eux-mêmes, si tu me permets, Clément, c'était quoi vos matières préférées et les plus détestées aussi, ou votre activité, un peu une activité qui sortait un petit peu du cadre du programme scolaire que vous avez adoré ou détesté? L'art plastique, moi personnellement, l'art plastique, j'avais vraiment apprécié. Et puis, du coup, la chorale, hein, j'ai envie de dire. Ouais, non, j'ai pas trop de... Moi, c'était pareil, mais même au collège, dès qu'il y avait moyen de faire des arts plastiques ou de la musique, ou même de l'informatique aussi, j'adorais. J'étais comme un fou, quoi. Après, la récré, hein. Matière préférée. Moi, je l'avais noté, les cours d'informatique, c'était tellement ouf. Ah ouais, c'était bête comme tout, tu faisais du Word. Surtout que c'était une autre époque. Je me souviens que pour aller genre sur internet, il fallait tout taper http nos profs qui tapaient Google dans la barre de recherche là-haut pour aller dans Google et ensuite taper le mot sur Google. Mais surtout, ça n'avait aucun sens de mettre autant de détails, tu vois. C'était pour t'apprendre un peu les détails de l'informatique, tu vois. Mais on peut dire qu'on peut avoir le cadenas. Et surtout, le cadenas pourrait être sur un site sécurisé. Le cadenas n'existait pas encore. À l'époque, il n'y avait pas les HTTPS. Mais c'est fou parce qu'on s'y connaissait probablement mieux en informatique qu'eux, quoi, à l'époque. Mais vous avez eu des cours d'informatique qui allaient sur Internet. Nous, moi, à l'époque de la primaire, les cours d'informatique, c'était vraiment taper du texte sur Word. Moi aussi, en primaire, c'était ça. Parce qu'en fait, en gros, la connexion Internet ne permettait pas... que tout le monde se connecte à Internet. Même pas s'ils en avaient quand j'étais en primaire. Bon, ça, et on enregistrait sur des disquettes les textes qu'on avait écrits. On enregistrait sur des disquettes. J'ai encore des disquettes dans des tiroirs. Ouais. Tu peux même plus t'en servir. Mon père qui en utilisait. C'était non, je peux plus en servir. Bah ouais, non. J'ai l'impression que les PC des écoles et des collèges, c'était les seuls avec les tours qui étaient allongées, tu sais, elles étaient horizontales. Putain, mais les tours, c'est horizontal. C'est vrai. Je trouvais ça trop bizarre. Ouais, c'est vrai. C'est clair. C'est des tours exprès pour les écoles, en fait. Après, là, on parle que de l'école, mais par exemple, les cours de technologie, j'adorais ça. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Tout ce qui était un peu hors un peu créatif, livre, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Un peu hors bouquin et recopié du texte, j'adorais. Je me souviens que les cours d'histoire, j'aimais trop aussi à l'école. C'était vraiment l'histoire trop... j'allais dire fun, mais genre les dinosaures, les trucs comme ça, tout ce qui est préhistoire et tout ça, c'est ce que t'apprends à l'école. C'est trop passionnant à l'époque. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est beaucoup plus parlant pour un enfant, alors que... Ouais. Ouais. quand ouais, tu parles de renaissance ça. Après tout ça, je trouve. Alors maintenant, enfin, ça m'intéresserait plus si je l'étudiais maintenant que je suis grand. Ouais. Mais à l'âge que j'avais quand j'étais au collège, etc., ça m'intéressait pas du tout, j'avoue. Mais pareil. Et il y avait que genre au collège l'Égypte et la Grèce antique, tout ça avec les mythologies qui m'intéressaient beaucoup parce que c'est un petit peu les super-héros d'avant quoi. Mais après je trouve que ouais en primaire on avait des enfin il y avait déjà des cours d'histoire très intéressants et au collège c'était un peu genre la loterie genre si tu tombais sur un bon prof ou pas. Ouais. Qui te faisait aimer ou pas l'histoire. Moi j'avais une super prof d'histoire géographie qui m'avait vraiment donné envie et l'année suivante c'était totalement l'inverse. Donc ça alterne, c'est très bizarre. Ouais. Puis après au lycée c'est très factuel, genre t'enchaînes les dates et ça sert à rien. Oui, voilà. Ça donne pas. En fait tu sais pas du tout de quoi tu racontes, c'est quoi ces accords là que tu vas retenir. Mais quand même, -52, bataille d'Alésia. Voilà. Je peux vous la sortir. Exactement. Moi j'ai une question Camille, est-ce que aujourd'hui, enfin je sais pas si tu distribues des photocopies avec des photos dessus à tes élèves, est-ce que les imprimantes sont toujours aussi pétées qu'avant? Parce qu'avant on recevait franchement des genre en histoire par exemple, des photocopies de cours comme ça avec des images et tu voyais pas du tout ce que ça pouvait représenter. Et heureusement t'avais le prof avec son rétroprojecteur là qui passait déjà, ses calques. Déjà à l'époque il avait un rétroprojecteur ouais, avec les calques. Ouais c'était pas vidéoprojecteur, c'était rétroprojecteur, je pense plus que ça existe maintenant. C'est drôle parce que je me revois en fait. Alors ouais. Les photocopies sont certainement pas aussi pétées qu'avant. Elles sont mieux, mais mes élèves me disent tous « Oh là là, mais toi maîtresse, tu l'as en couleur !» Et quand je leur affiche le truc clair. Aux vidéos proches, ils sont là « Quoi ? Mais nous, c'est pas du tout ça !» Bah oui, mais désolé, je fais ce que... Tu fais des économies d'encre en fait, désolé. Ils sont hyper expressifs. Ouais. Mais par contre, c'est bien mieux qu'avant, bien sûr. Les cartes au papier calque aussi, il fallait tracer des trucs dessus, par-dessus la carte, c'était marrant ça. J'aimais bien ça, ouais. Et toi Camille, c'était quoi tes matières préférées quand tu étais à l'école et quelles sont tes matières préférées maintenant que tu enseignes aussi? Alors j'y réfléchis longuement, je n'arrive pas à me souvenir d'un truc que j'aimais à l'école. Je me souviens, je détestais la conjugaison, le français, tout. Je détestais ça. Ouais. Les maths, j'étais une buse, mais comme pas possible. Alors l'informatique, ouais, j'aimais bien. Mais vraiment, le reste, je crois que juste... je me faisais chier, je faisais mes devoirs parce que mes parents m'obligeaient, mais c'était infernal. Et t'as un peu oublié maintenant ouais, ce que t'aimais potentiellement ouais. À l'époque. Quoi. Surtout, je pense que je m'embêtais tout le temps. Ah ouais. Et maintenant, par contre, j'adore faire l'histoire avec eux, justement. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment passionnant, en fait, les périodes ouais. que tu dois raconter à des enfants. En fait, on raconte tout, on part des hommes préhistoriques au CM1. Ouais. Et on s'arrête là au temps moderne c'est trop bien Charlie Chaplin. C'est vachement bien. Moi en début d'année mes élèves, mes CM2 particulièrement, ils m'ont dit oh non pas de l'histoire quand j'ai commencé le premier cours d'histoire. Ah ouais. Bah à la fin du premier cours d'histoire ça passait tout seul. Bah ouais attends la préhistoire et tout quand même. Mais ouais. Bah c'est intéressant. Ouais. Je me souviens donc le là, moyen il y a grave ouais. moyen de scénariser un peu ton cours en fait c'est trop ouais bon. Ouais. Non c'est ouais là c'est ma matière préférée je pense. Sans aucun doute. Et t'as du mal genre à faire les cours de maths, les trucs comme ça? Ouais. Ou... Alors en plus moi en tant que complément je me tape la géométrie tous les ans. Wow. Je déteste la géométrie. Enfin je déteste. Moi en faire je m'en fiche. Mais l'enseigner, voilà. Ouais. Et les enfants détestent ça aussi. Et du coup on essaie de rendre ça le plus sympa possible en faisant des trucs interactifs au tableau. Avec des jeux sur des jeux sur internet pour la géométrie et tout. Ah cool. Je fais ce que je peux quoi pour qu'ils aiment. Non mais c'est bien, non, c'est le meilleur moyen je trouve ouais, pour rendre ouais. ça ludique de leur que ça leur que ça les intéresse et que du coup ils en retirent quelque chose quoi. C'est ça. C'est compliqué hein, de donner envie sur les maths. Hein. Ouais. Bah voilà, quand t'aimes pas c'est et puis voilà, la numération c'est hyper dur à enseigner, enfin il y a plein de choses qui sont compliquées mais bon, on fait ce qu'on peut pour que eux ils aiment malgré le fait que même nous on n'aime pas ça. Ouais, c'est pas facile. Hein. Quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des exercices du genre j'ai trois bonbons? Bah, c'est des problèmes, on est obligé. Ouais. Mais du coup, c'est tu les inventes? Non, il ne faut pas pousser. Hein. Oh bah attends. Non, mais je veux dire, en fait, on nous dit tout le temps, il y a tellement de choses qui existent que si tu commences à inventer tes propres trucs, mais tu ne sors jamais. Déjà, tu bosses 2 heures en rentrant chez toi, mais si tu devais inventer, tu bosserais 5 heures en rentrant chez toi, quoi. D'ailleurs, ça représente combien de temps dans ta journée de devoir corriger des copies ou préparer un cours? Alors, parce que du coup, on peut le dire aussi, tu fais des lives sur ta chaîne Twitch où des fois tu prépares tes cours, que je n'ai pas encore pu voir. Mais du coup, je suis très curieux de savoir comment est-ce que tu prépares un cours, en fait, déjà. Alors, on ne fait pas tous pareil, mais moi, je me prends une journée, ma journée de CM1, CM2. Je sais que dans l'ordre, je fais tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et je les prends tous dans l'ordre et je fais, voilà, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là. Je reprends ce que j'ai fait la dernière fois, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui leur manque. Je reprends et après, je vais chercher beaucoup de ressources sur Internet. Tu as une base de cours qui est déjà faite ou tu dois aller piocher toi-même? C'est toi qui pioches. Après, j'ai des manuels, mais c'est des trucs que je suis allée acheter moi-même. Tu vois, c'est pas l'éducation nationale qui te fournit tes manuels. C'est toi qui choisis tes méthodes. Après, tu peux les faire acheter par l'école, mais bon, quand t'es un jour par semaine dans une école, l'école, d'accord, elle va jamais t'acheter tes manuels. Sinon, au début de l'année, c'est toi qui dis on va bosser sur ce manuel, donc faut dire à tous les parents d'acheter ce manuel ou comment ça se passe? Non. En fait, alors c'est toi qui achètes ton truc et après tu leur fais des photocopies. D'accord, ok. Ouais, okay. Sauf s'ils ont des bouquins de maths. Après, il y a des trucs qui datent d'il y a 10 ans. Les bouquins de maths, les exercices, c'est les mêmes. Enfin, ça n'a pas changé, quoi. D'accord. Donc, on garde les mêmes souvent, mais ouais. Ouais, tu pioches des ressources de partout. Donc, c'est pour ça que l'égalité des chances à l'école, c'est pas la même non plus. Parce que toutes les écoles n'ont pas les mêmes méthodes, budgets. Ouais. Tous les enseignants n'ont pas les mêmes envies de chercher des trucs sur Internet. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. C'est du cas par cas. C'est un grand débat, voilà. Hein, finalement. Ouais. Vous vous souvenez de... Je continue... On reste pour l'instant à la salle de classe. Après, on va sortir de la salle de classe. Je me demande comment tu vas faire la transition. Ouais, parce que je suis producteur. Mais en fait, j'ai du mal. Alors, non, mais est-ce qu'on voulait parler des délégués? Moi, j'ai pas de souvenir des délégués. Peut-être déjà, parlons des délégués. Ah, moi, après... ça me rappelle un souvenir tout de suite. Vas-y, alors. Vas-y, Jules. Même année, en CE1, donc avec Colette, tout le monde, quelques-uns se présentent pour l'élection au titre de délégué. Donc, on en élit deux. Et on commence à faire le compte, machin, et les comptes sont finis et j'ai un seul vote. J'étais ce gars-là une fois. C'est toi-même, du coup, en plus. Mais non, c'était pas moi. Et les autres votes, c'est marqué. Non, je crois que tu n'avais pas le droit de voter pour toi. Il y avait ton nom et c'était marqué « Faites-le redoubler ». Du coup, je mets ce vote pour qu'il y ait son nom sur le tableau avec seulement un vote. C'est ça. En fait, la fois où tu t'es levé et que t'étais tout seul, c'était ce moment-là, en fait. C'était ce moment-là. Exactement. Non, mais du coup, le seul gars qui avait voté pour moi, il me l'a dit après, et du coup, on est devenus potes après. Oh, il y a toujours quelque chose à retirer. Et du coup, t'as dit, mais pourquoi t'as voté pour moi, en fait? Qu'est-ce qui Je lui ai dit, pourquoi t'as fait ça? Tout le monde me regarde, là. Non, je m'en souviens pas du tout des délégués. Il y a toujours des délégués, Cam? Ouais. Okay. Il y a des conseils de délégués. Alors en primaire, je me rappelle pas. Pour la récréation, ils demandent des objets, des jouets pour la récré et tout. C'est un vrai truc. Et on a des conseils de délégués. C'est vachement bien. C'est énorme. Ouais, moi, je me suis que à partir du collège des délégués. Mais ouais, moi aussi, ouais. Pareil. Peut-être qu'on n'en avait pas en fait, Fab. Je sais pas. Je crois pas qu'on en ait eu, nous, des délégués. Ça me dira. Moi, je me souviens que pendant une année, je crois que c'était en CM2. On avait un peu fractionné on avait fait plusieurs rôles de délégué. T'avais le gardien du temps qui était chargé de dire que je sais plus à quelle heure c'était la récré, mais genre à 9h moins de quart, attention parce que bientôt il y a la récré, donc attention, lui il devait surveiller l'horloge. T'en avais un autre qui était et ça tournait, tu vois, et t'en avais un autre qui était chargé d'accompagner à l'infirmerie tous ceux qui devaient partir, ou alors ceux qui avaient un rendez-vous médical qui devaient partir, tu vois, donc ouais. Ça c'est le meilleur rôle, clairement. Et etc. Et c'était effectivement, maintenant que tu le dis, je pense qu'on avait des délégués, mais c'était du coup, des métiers, c'était plus des métiers. Ouais, c'était plus des, ça, des, ouais, ouais. Dans, ouais. des classes. Ouais, des métiers. D'ailleurs, celui qui dit maîtresse, c'est l'heure de la récréation, lui, mais c'est le pire. Ouais, mais je suis désolé, c'est l'heure de la récré. Il hein. dit maîtresse, c'est l'heure là, mais j'ai une montre. Le petit faillot. Ouais. Par contre, ah ouais, je sais pas si vous. Alors, vous parliez de l'horloge, là, du coup, je sais pas si vous, ça vous le faisait, c'est le temps était hyper lent. Vraiment. Alors, hyper moi, lent. Vraiment, ça dépendait des cours. Genre, quand on avait cours de sciences, genre d'astronomie, tout ça, c'était hyper rapide, je voyais pas le temps passer. Pour d'autres cours où je comprenais rien, par exemple les maths, c'était hyper lent, effectivement. Hein. T'avais le temps de l'avoir. T'avais l'horloge au-dessus du tableau et tu voyais les secondes, mais vraiment, j'avais l'impression qu'elle durait mais des minutes. C'était super lent, vraiment. Bah, le temps est relatif. Je dis l'aiguille des secondes, on a même pas fait un tour. C'est fou. Non, mais ouais. Bah, en fait, c'est aussi le fait qu'il y avait l'horloge pile en face de toi. Tu sais, quand tu regardes une horloge, oui. Ça, mmh, exactement. Ça passe plus doucement. Moi, je me souviens très bien sur le côté en haut, là, voilà. Elle était bien là. D'ailleurs, ma salle de classe de primaire me sert toujours à différencier ma droite et ma gauche. En gros, c'était, ah ouais, un moyen, ouais, c'était un moyen mnémotechnique qu'ils nous avaient donné à l'époque. Et en gros, c'était toujours à droite, c'est côté de la porte, et à gauche, côté des fenêtres. Et, ah ouais, et en fait, à chaque fois que j'ai un doute, j'ai toujours ce flash dans ma tête. Bon, après, maintenant, c'est rapide, hein, tu vois, mais, mais c'est resté, vraiment. À la base. Bah voilà, t'as appris quelque chose à l'école. Ouais. Retenir ça, ah, c'était, ouais, c'était la important. Gauche, c'est pas mal. Fabien en voiture, on lui dit tu tournes à droite, il fait le côté de la porte ou le côté de la fenêtre. Faut que j'appelle ma maîtresse de CE. ouais, mais je sais pas, c'est des flashs comme ça qui restent. Oui, j'ai un souvenir qui n'a rien à voir, mais en parlant de maître et maîtresse marquant et marquante, c'est que déjà en CE2, j'avais deux maîtresses, une qui faisait les sciences, donc maths, sciences, et je crois qu'elle faisait géographie, et une autre qui faisait genre français. Histoire et toutes ces choses-là, dictées, orthographe, machin. Oh, les dictées, oh mon dieu. Et oh. J'étais pas prêt pour l'année d'après parce que j'en ai eu trois après qui se relayaient un peu tout au long de l'année, genre tous les mois ça changeait, je sais pas, toutes les deux semaines. Et j'en avais trois et il se trouve que l'une d'elles, qui était celle qui était là le plus de temps, avait un petit lapin blanc qui s'appelait Arturo. Et ce qui était trop bien, c'est qu'on pouvait l'emmener, enfin, on pouvait s'inscrire sur une liste. Et on pouvait l'emmener le week-end chez nous, et c'était trop bien. J'adorais. Ah, ça c'était chouette, ouais, les animaux à l'école, c'était trop bien. Ça apporte vraiment un truc à la classe, je trouve. Une fois, j'avais apporté la tortue de ma mamie, enfin de mes grands-parents, à l'école, et en là OPS. Vraiment j'étais la rosta de l'école, quoi. T'amènes un animal, c'est terminé. Le pimp avec son chapeau, son manteau fourré, la tortue sur l'épaule. Et aussi, des fois, les grosses lucanes, mon grand-père qui faisait les. Vous voyez ce que c'est une lucane? C'est des gros insectes. Ouais. Mon grand-père qui avait un jardin, en fait, des fois, il en chopait, il mettait ça dans un tupperware et puis il emmenait ça à l'école, je me rappelle. C'est vrai. Et, dit, et ça faisait flipper les gens. Ouais. Attends, je vais retaper Lucan sur Google pour bien voir. C'est des trucs avec des wow. Gros, ah oui, mais c'est des scarabées, des sortes de scarabées. Ouais. Dedans, ça fait énormément de bruit quand ça vole. Quand ça vole, ouais, ça fait le bruit d'un hélicoptère. Ouais. La première fois que j'en ai eu un dans la main, j'ai pleuré parce que je savais pas ce qu'il allait me faire. Je croyais qu'il vraiment... En fait, je croyais que c'était des pinces et qu'il allait me pincer, tu vois. Oh. Et le fait que ses pattes accrochent un peu, j'avais pleuré, je me souviens. Ah bah alors, petit Jules. Ouais. Si mon grand frère m'entend, peut-être s'en souvient-il. Et est-ce que, Camille, il y a toujours les casiers sous les bureaux dans les classes? Bien sûr, c'est un énorme foutoir. Oui, mais j'imagine, mais c'est tellement bien ça. Moi, j'aimais trop avoir mon propre casier. Quand tu me l'as dit, je me suis dit, mais c'est un truc d'ancien, tu sais. En fait, non, c'est vrai, j'en avais un aussi. Mais c'est tellement pratique, en fait. Ouais, en fait, j'aimerais en avoir un là maintenant. Il y a toutes tes feuilles rangées à l'arrache qui tombent, t'es humilié devant tout le reste de la classe. Ça dépend ta façon d'organiser. Voilà, mais ça c'est déjà un début d'organisation finalement, et c'est trop bien. Ah bah, ah oui, non, mais c'est important. C'est hier, ton petit j'ai eu une toi. Dénonciation. Ah hier, ouais. Quelqu'un a dénoncé, a dit maîtresse, il a rangé n'importe comment sa feuille dans son casier. J'ai dit son casier, c'est pas mon problème tant qu'il retrouve sa feuille la semaine prochaine. Mais c'est ta première propriété privée finalement. Locative. Locative. Mais est-ce qu'il a retrouvé la feuille avec lui en 40. Ah bah je verrai lundi prochain. Ah oui, voilà. Bah, ouais. Et est-ce que vous aviez les images, genre quand vous faisiez, moi j'avais deux trois maîtres et maîtresses qui faisaient, qui offraient des images. Alors je sais pas, c'est des sortes de petites cartes postales, tu vois. Je sais pas du tout où c'est qu'ils achetaient ça parce que ils en avaient un sacré paquet. Moi j'ai retrouvé un paquet d'images que j'avais eu. J'en avais une bonne centaine, tu vois. Donc. T'étais sage. J'étais sage. Un enfant très sage. Ouais. Nous on n'avait pas ça. Nous on avait un même système d'images, mais nous c'était une grande, enfin c'était même plusieurs feuilles scotchées à la porte avec nos noms comme ça, les uns en dessous des autres, avec un point par semaine si on s'était bien comporté. Oui. On avait vert si tu t'es bien comporté, orange attention, rouge pas de points parce que c'est pas bien. Et à la fin de l'année, elle offrait soit un livre, soit un lapin en chocolat, tu vois, à ceux qui avaient assez de points quoi. Et c'était vraiment trop motivant. Oui, je crois que c'était, il y avait une base avec des points aussi pour avoir une image en fait à la fin de la semaine. Ah ouais, tout voilà. Ça. Il y avait un système de scoring. Ouais, c'est ça, exactement. Déjà le gaming. Bah, les JO. Déjà le gaming, mais Et toi, Camille, t'as toujours un système de récompense comme ça pour tes élèves? Ouais. Ouais, tu fais toujours. Il y a toujours, dans beaucoup de classes, quand j'arrive dans une classe où il n'y en a pas, c'est, je sais que ça va être l'enfer. Ou alors c'est une classe exceptionnelle, ça se passe trop bien, il n'y a pas besoin. Ou alors c'est le cauchemar et les enfants, ils en ont rien à faire, de rien du tout, quoi. Elle sème des M&M's devant la porte pour faire rentrer les enfants. Dans ma classe de maternelle, parce que du coup, les trucs individuels avec une récompense, un petit chocolat ou un truc comme ça, en général, bof. Mais dans ma classe de maternelle, c'est un système de coopération où si ça s'est grave bien passé, genre ils ont rangé la classe tous ensemble, sans bruit et tout, ils gagnent une étoile. Et à la fin, quand ils ont gagné assez d'étoiles, et ben, ils peuvent choisir une récompense commune, par exemple. Ça, c'est le communisme. Plus de récréation, ou alors on regarde un tout petit dessin animé à la place de faire, je sais pas quoi. Ah, trop bien. On fait des jeux de société ensemble. Et alors tout. Ça, c'est mieux comme ça. Mater des films et des dessins animés. Ouais. Alors là, les derniers jours avant les vacances. C'est pas mal l'idée de. Aussi de pas la jouer solo, tu vois. En fait, c'est ici que t'apprends, en fait, soit le capitalisme, soit le communisme, en fait. C'est à l'école. Genre, tu la joues solo si t'accumules que tes points pour toi-même et tout comme ça, ou alors c'est pour toute ta classe. J'entendais ce débat justement de que c'est les parents qui doivent faire ton éducation et c'est pas les profs à l'école et c'est pas l'école en général. Et alors, je suis un peu d'accord, mais en même temps, par la force des choses, ton éducation, elle se fait un petit peu à l'école quand même, parce que tu vis en communauté avec plein d'autres gens. Et tout ça est dans un cadre qui est un ersatz de ton environnement de travail futur, tu vois. Enfin, t'es avec d'autres gens, il faut travailler, quoi. Tu passes une majorité de ta semaine, quand t'es enfant, une grosse partie de ta vie d'enfant à l'école, finalement. Enfin, c'est tellement une grosse partie. Ça fait partie des compétences scolaires, hein, apprendre à vivre ensemble. Après, l'éducation, il y a plein de choses que nous, on n'a pas à faire à l'école. Apprendre à dire bonjour, merci, enfin, être poli, c'est les parents, quoi, qui font ça. Mais vivre ensemble, ça fait partie des choses qu'on doit apprendre à l'école. Ça t'impose un rythme aussi, des trucs tout cons, mais te lever, la pause, il faut manger à telle heure, machin, reprendre. Avoir son petit casier bien rangé. C'est d'un enfant à l'autre, voilà. Et par contre, Camille, toi, t'as toujours des infirmières et des infirmeries, parce que moi, je me rappelle, il y avait toujours une infirmière, je sais pas vous, mais qui était là. Pas d'infirmerie, moi. Si, moi. Ah ouais. J'étais dans la même école en même temps. Ouais, oui, voilà. Facile. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins, des infirmières. Non, il y en a de moins en moins. Et puis, alors nous, l'autre jour, on nous a dit « Oui, il faut parler à l'infirmière scolaire. » Bah, bonsoir, c'est qui l'infirmière scolaire? J'en ai jamais vu dans aucune de mes écoles. Ça fait 5 ans que je suis prof et j'ai jamais vu d'infirmière scolaire. Donc, si un enfant se blesse, c'est direct, on appelle les pompiers. Tu fais un bisou magique. Alors, si c'est une grosse blessure, ça dépend. Si c'est une très grosse blessure grave, tu appelles les pompiers. Ah ouais. Sinon, les parents. Si c'est un enfant qui se cogne la tête, qu'il a juste une bosse, tu lui mets de la glace et puis tu appelles les parents pour les prévenir. De la pommade. Mais sinon, après, il y a la TSEM aussi. Si c'est un enfant qui. Ah, l'odeur de la pommade de l'école. On n'a rien le droit d'appliquer. Ah ouais. On n'a rien le droit. Du désinfectant, rien du tout. Wow. Oui. Glace, eau, pansement. C'est tout. Ah ouais, nous aussi, à l'époque, il y avait l'infirmière. Hein, quand il y avait un petit bobo, t'allais à l'infirmerie et puis voilà. Ouais. Moi, je me souviens que des gros bobos de mes potes et des gens en général. Et la fascination que ça faisait, c'est que dès que t'avais genre deux ou trois, soit dames de cantine, soit prof qui étaient autour de quelqu'un, t'étais en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'était trop bizarre. Alors, il y a les pompiers qui sont venus pour quelqu'un, je te raconte pas, là, tout le monde était au préau comme ça, tu sais, devant la vitre. Je pense que j'ai un trauma. Mais les toilettes des enfants, elles n'ont pas de cloison, on est d'accord? Enfin, moi, en tout cas, elles n'avaient pas de cloison. En maternelle. Ah, et je pense qu'en fait, parce que des fois, je fais des rêves où justement, je trouve des toilettes sans cloison. Et je pense que ça vient de là. En vrai, je viens de réaliser ce trauma-là, qui doit venir de la maternelle. C'est des tout petites toilettes. Là, ils s'en soucient pas du tout. Ils y font pas du tout. Oui, on s'en fout, tu vois. Mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça doit être ça. Ça doit venir de là. Ça doit venir de la maternelle. Les enfants de maintenant, ils connaissent pas les portes savon citron, là. Ah purée, oui. Non, maintenant c'est des trucs où tu pousses avec la main. C'est limite une Madeleine de Proust pour moi, tu sais. Ouais. C'est incroyable. Ça. Je vois une image de ça. J'ai mais t'as l'odeur. L'odeur, ça, j'ai le toucher. Enfin, je me souviens. Ouais, c'est ça. Le toucher, ouais, surtout. Ouais, t'as rôle. La sensation de toucher de ce truc. Ouais, bref. Et tu en parlais des dames de cantine, même ça c'est une Madeleine de Proust de ouf, les dames ouais, ouais. de cantine. Ah, ouais. le terme dame de cantine. Déjà, ouais, le terme ah, Brigitte. Énorme quoi. Et ouais, les... Bah, nous on était principalement externes avec Fabien parce que nos grands-parents habitaient à côté, mais y a eu quelques fois où on est allé à la cantine. Et... Oui, quand même. Hein. Et c'était quand même trop rigolo quoi, la cantine avec tous les copains et tout. Moi je crois que j'étais le seul enfant qui mangeait les betteraves cuites de la cantine. Tout le monde détestait, j'étais le seul. Ah ouais, T'avais une ambiance à la cantine quand même. Alors nous déjà, il y avait tous ceux qui, je sais pas si vous le faisiez, on avait des tables en bois, et avec nos couteaux, genre on commençait à limer la table. On commençait à faire... Oh putain. Dans quel but, Jules? À la fin de l'année, elle se cassait en deux. Je sais rien, mais il y avait un truc coopératif aussi, tu vois, où chaque jour, il y en avait un qui venait et qui trouvait un peu plus... Mais toujours la table. L'histoire de communauté, finalement. Ouais, non, mais je sais pas. Vous essayez de vous échapper, c'est ça? Est-ce qu'on s'est dit par télépathie, à la fin de l'année, on coupe une table en deux, tu vois? On en récupère chacun un morceau. Le trophée. Il y avait une ambiance en vrai quand t'avais des frites et que tout le monde faisait des frites ou du rap, tu vois, encore. Trop bien, ouais. C'était un délire. Mais n'empêche, j'y repensais, mais c'est fou parce que contrairement au collège ou au lycée et tout, on avait des places attitrées pour l'année, quoi. Enfin, j'en repense encore au casier finalement. À la cantine ? Non, pardon, je repense aux salles de classe. Ah oui, oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai, ça peut changer, mais ouais. C'était quoi ? C'était par ordre alphabétique, non ? Non, c'était. Ça dépend. Non, moi j'étais à côté de mon pote. Tu peux changer de place en cours d'année aussi. Ah, je me souviens pas. Oui, si t'es trop bavard. Nous, on change de place entre chaque vacances. On fait changer de place tout le monde. Ça, c'est bien. Ah oui, bien, mais peut-être ça faisait ça, oui, pour que ceux qui sont derrière au moins se retrouvent un peu devant et tout. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, pour éclater un peu les duos un peu. Explosifs. T'es là, tu regardes les gens, tu te dis avec qui je vais me retrouver, est-ce que ça a plus ou moins matché. Ça va être fun. Tu fais encore les dictées, Cam? Bien sûr. Putain, tu peux nous en faire une. C'est super important. Ouais, mais ça m'avait traumatisé. C'était horrible les dictées, vraiment. C'est important les dictées. Ce rythme de diction, c'est un trauma aussi. Quand j'en fais, je suis morte de rire. Ah ouais. Quand j'en fais, je. Alors moi, j'en fais jamais avec mes classes attitrées, mais quand je suis en remplacement, ça arrive très souvent que j'en fasse. Oh, mais ça me tue de rire la manière de lire. Puis je lis, puis je répète un peu la phrase. Ça me. C'est un personnage. Alors je suis obligée de rester très sérieuse, mais ouais, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Enlever son manteau. Point. Ah, c'est ça. Tu dis bien. Tu relis un peu plus à chaque fois. Ouais. Les mots. Et ça, tu sais, je sais pas qui c'est qui a inventé ce personnage, mais du coup, c'est un truc que tu récupères et. Pour faire ta dictée, tu vois. Et est-ce que t'as déjà fait un titouan, tu te tais? Oh bah, bien sûr, non mais... Forcément. Ouais. Vas-y, t'allais dire quoi, pardon? On parlait de la dictée, mais en fait, c'est même pas un personnage, un truc que tu reprends, en fait. C'est que, en le faisant, tu te rends compte que c'est la meilleure manière de faire, parce que tu reprends en arrière pour les gens qui sont en retard, t'avances un peu plus pour les gens qui sont en avant, et en fait, ça crée un personnage que tout le monde refait, mais finalement... c'est la manière de faire la dictée, quoi. C'est ouf. Moi, j'étais de ceux qui étaient en retard tout le temps. J'écrivais très lentement et très mal au début. Alors maintenant, j'écris bien. J'étais de ceux qui copiaient. Surtout, je copiais sur mes... Ah, tu copiais sur les autres? Ah ouais. J'ai dû utiliser cette technique aussi. Oh, bah, en CP, CP-CE1, du coup, j'avais un voisin très, très fort en orthographe. Je passais mon temps à copier dessus en dictée. Personne n'a rien vu, j'ai sauté une classe. Ah ouais. Moi c'était pas pour ça que j'ai sauté une classe. Mais... ouais, ça a dû jouer. Alors les gars, maintenant, attention. La maîtresse, elle a fait. Moi, je crois qu'elle est super forte en dictée. En vrai, je pense qu'on peut lui faire sauter une classe. Mais c'est marrant, elle est exactement aussi forte que Mathieu qui est juste à côté. Je vois pas le rapport. Et Mathieu, par contre, lui, on va le laisser là, par contre. Non, on était 5 à avoir sauté une classe ensemble. C'était très chouette. Oh. Un groupe de 5 copains. Bah vous copiez tous. Super. Ouais. C'est ça. Et maintenant on va sortir un peu de la classe parce que là on avance, à notre rythme et on est déjà à une bonne heure d'émission. On va sortir un peu de la classe et aller dans la cour de récréation, mais en passant Par quoi, Jules, encore une madeleine de pouce Bah, de l'intérieur à l'extérieur, il a le préau. Oui. On a juste marqué le préau. Mais c'est vrai que ça, c'est une petite madeleine aussi, ce préau. C'est trop bien, le préau. Moi, ça me rappelle Titeuf, la loi du préau, album numéro... Ouais, je sais pas. Il y avait des lignes aussi, enfin, tracées au sol, genre, pour les classes, pour qu'elles se réunissent. Je sais pas. Dans le préau? Ouais, sous le préau. Ah ouais? Ah non, nous, c'est un pur carrelage. Oui, peut-être. Une télé et des tables de ping-pong. Ah mais ouais, quoi, une télé. Ah, alors étape de ping-pong, oui, je me rappelle. Mais une ouais, télé bah, par télé. Contre wow. Bah, nous la télé elle était allumée que genre les jours de pluie ou à 13h, tu sais, ils nous mettaient la petite maison dans la prairie sur M6 et tout ce qu'elle est devant comme mais ça what avec nos manteaux. Trop bien ton école. C'était trop bien, ouais. C'est nous on avait un flipper. Non bah ouais. Une PS5 c'est déjà à l'époque. Mais non, mais c'est. Enfin, est-ce que du coup, tu m'as fait penser avec les traits au sol, là, la marelle. Le jeu tracé au sol dans ouais. les cours de récré, c'est incroyable. Ah, les marelles. Les marelles, les machins de course. Mais vous jouez à quoi, vous, à la récré? Préau, bah, beaucoup de trucs. Hein. Oh, ouais, le loup, truc. Loup bougie, loup glacé. Voilà, toutes les variantes de loup. Ouais, le loup glacé. Ouais, le cache-cache. Cache-cache, j'avais pas de cachette. Ouais, nous. Bah, il y avait des arbres en fait. En fait, c'était plus gros que les arbres. Le loup, c'est en gros le cache-cache, mais du coup, tu peux pas trop te cacher, tu vois. Ouais. On avait une rivière aux crocodiles. C'est quoi ça? Bah, en gros, tu devais traverser, le crocodile au milieu devait t'attraper. Ah oui, il y avait vraiment un crocodile, d'accord, ouais. Ouais. T'avais deux élèves qui ouvraient et qui fermaient la bouche comme ça. Et ils attrapaient ton blouson. Ils attrapaient ton blouson, exactement. Et je t'ai perdu. Et vous aviez le début des cartes Pokémon. Le bac à sable. Parce que moi, je me souviens des billes. Ah oui. Oh là là. Des ouais. billes aussi. Mais alors, les cartes les Pokémon, billes, je ouais. m'en souviens aussi. C'était le moment, là. Ça y est. Mais en fait, ouais. en gros, j'avais des cartes Pokémon, mais j'osais jamais jouer aux cartes Pokémon parce qu'on m'avait dit qu'en gros, si je perdais, bah, je donnais mes cartes Pokémon. Ah bah oui. Et du coup... Mais non, justement. Mais oui, alors, bah, c'est comme ça que les enfants jouent. Voilà, c'est alors que c'est pas ça le jeu. Du jeu Pokémon. Ouais. C'est horrible en fait. Mais c'est comme ouais. ça moi, que ils les le enfants faisaient pas. Jouent. Mais ils sont fous ces gens. Mais nous, on faisait jamais de combat Pokémon. Après, c'était plus un truc de collection, nous. Oui, ouais. Ouais, nous, on faisait des échanges et des combats Pokémon. Et si tu faisais un combat Pokémon et que tu perdais, tu devais donner les cartes que t'avais jouées. Mais genre, c'est qui savait jouer? Mais personne. Mais du coup, moi, je sais combat, pas. C'était avec la vie des Pokémon. Oui, c'était voilà. un genre de jeu de bataille de cartes, en fait. C'est comme si tu ouais. ramenais un jeu de cartes classique et que tu jouais à bataille. Sauf que c'était genre, ah, ton Pokémon, il a plus de vie que les miens. Non, mais bah, c'était bon, nul. Hein, c'était pas du tout les bonnes règles. Ah, ouais, c'est bah non, pas du tout. Ouais, il y a 3-4 ans, on m'a appris les règles. Bah, c'est, bon, je peux le dire son nom, Quentin Bellivier, Clément. Ah oui. Il m'avait appris parce que lui, il est fan de ça et il m'avait appris les règles. Et bon, j'ai tout oublié évidemment, mais il y a vraiment une façon de jouer du coup. Ah bah oui, mais il y a un jeu en ligne, carte Pokémon, qui est très très bien et qui t'apprend très bien. J'y jouais avec Valentin oui, et Alex. Oui, TDC, aussi, la Trading Card Game. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Il y a des vraies règles très bien faites. Et les gamins, ils préfèrent voler les autres. C'est ça. Moi, je me trouvais extrêmement chanceux quand même parce que moi, j'avais mon petit rituel pour revenir à la cantine. C'est que tous les lundis, je mangeais avec mon père. Soit on allait au McDo, soit on mangeait à la maison. Et quand on allait au McDo, ça, c'était une semaine sur... 2-3, j'en sais rien, je mangeais souvent au McDo le lundi. Et on passait au bureau de tabac et il m'achetait un petit pack Pokémon. Et en vrai, ça coûtait déjà 9 balles hein, pour avoir 5 cartes, je crois. Putain, ouais. Et je me dis, déjà, il te paye un McDo le lundi et en plus, il te rajoute 9 balles, donc l'équivalent d'un autre menu, enfin même bien plus cher qu'un Happy Meal. Et je me trouve extrêmement chanceux. Et je peux te dire que quand j'ai eu Suicune X et Galeking Brillant, bah, j'étais un peu loin de la récré. Ah, Suicune. Quand j'ai eu Palkia X, les... moi. Oula, moi c'est, j'étais plus là moi. Ah ouais. T'avais un Palkia déjà toi? J'étais ouais, collège, mais peut-être pense. Que j'étais au collège après. Peut-être. Donc tu t'y retrouvais bien, ringard. Bah, du coup, je le sortais pas, j'avais juste Palkia, je disais ouais, bah voilà, bon, je l'ai chez moi. moi c'est Clem, j'ai Palkia. C'était les Pogs ouais. dans la cour de récré. Ouais, je m'en rappelle. Ah, moi c'est trop la génération de mon frère, j'ai pas eu. Moi j'ai eu les JoJo's. Et je me souviens des Osley aussi. Alors ça, j'ai jamais réussi. Vous avez vraiment eu les Osley dans votre cour de récré? Ouais. Ouais. Moi j'ai eu les billes. J'ai 65 billes, ans aussi. Hein. pour moi c'est un truc de daron que je lisais que dans les triplés. Mais non, en fait, non, mais ouais, mais peut-être qu'on avait une école de vieux hein, aussi. Je sais pas, mais ouais, je aux osselets. Mais avec des c'était cailloux, un peu reculé. C'était une école de banlieue. Ouais, bon, bah, voilà. Vous jouiez aux cailloux. Bah, très ouais, bien. Ouais. Mais je me souviens les gendarmes dans le bac à sable, pardon, je t'ai coupé. Ah bah putain, bah c'était c'est ce que t'allais dire ça. Ah bah oui, il l'a noté, c'est vrai. Les gendarmes, l'insecte, c'est pas le. Ouais. Pas les gendarmes. Parce que moi j'avais mis Clément joue avec les gendarmes, entre parenthèses, les insectes bien sûr. Ouais ouais, les gendarmes qui étaient dans le bac à sable, c'était, on faisait des colonies de gendarmes et tout, c'était trop bien. Bon, c'était des... On aurait pas dû préciser les insectes comme ça, ça aurait fait un peu un truc ambigu. Parce qu'en plus, moi j'allais dire, je comprenais pas pourquoi il y en avait qui étaient collés par le cul. C'était un jeu de gestion quoi, les gendarmes. Tu les regardais vivre leur petite communauté. Les Sims avant l'heure. Ouais, c'est ça. C'était mes Tamagotchi. Ouais, c'est ça. Je leur donnais un nom. Ils avaient tous le même nom. Ils s'appelaient Citron Soleil parce que j'adorais le jaune. Ah, moi aussi, toujours ma couleur préférée. Alors qu'un gendarme n'est pas du tout jaune, c'est ça qui est fou. Non. Ah mais c'était trop bien, c'était trop bien. Ouais. Moi je les regardais de haut et je leur disais je suis un dieu. En fait on faisait style, on les nourrissait en plus, mais je sais même pas ce qu'on leur donnait. Je sais même pas ce que ça mange un gendarme en fait. Ça... Des chocos. Des chocos comme tout le monde dans la cour de récré quoi. Ouais non mais voilà. Et je me souviens avec mon petit groupe de d'amis de loubards. Voilà les petits loubards bien sûr. On avait 400 coups ensemble. Quand on avait vieilli un peu genre CM2, on était un peu les rois de la récré du coup forcément. Et je me souviens quand genre on avait vraiment notre petite zone qui était sur une petite comment on appelle ça je cherchais estrade, mais non, c'est pas ça. Un truc relevé, quoi. Oui, voilà, une petite barrière relevée, quoi, où on pouvait s'asseoir dessus. Et là, on dominait la récré, on était un peu plus haut, on était assis en haut au-dessus, tu vois. Et là, ça discutait de sujets un peu plus sérieux, deux cartes Pokémon probablement, et voilà, quoi. Là, c'était aussi. Moi, je me rappelle que les CM2, ils étaient dans un coin de la récré, sur un muret. En fait, assis sur un muret. Ah, mais voilà, c'est ça. Ouais. C'était le muret. Et du coup, quand j'étais en CM2, j'allais sur ce muret. Pour dire je suis en CM2, c'est mon tour maintenant. Quoi. Et voilà, c'était un coin de la cour. Pas le droit, c'était le muret des CM2. Et là, c'est clair, quand on l'avait atteint, c'était quelque chose. C'était ouf. En vrai, ça me rappelle un peu, tu sais, genre les cours de prison, tu sais. T'as des gens qui font un peu leur clan, t'as les grillages autour, t'as ceux qui sont assis sur t'es le muret. T'es CM2 toi, je t'ai jamais vu au CM2 toi, dégage. Surtout t'as ceux qui jouent au foot, ceux qui jouent au basket. C'est vraiment les plus vieux, c'est les CM2, tu vois, ils sont là depuis le début et tout, ils ont connu des sales histoires quoi, donc ils ont le droit au muret, tu vois. T'as le King qui a toutes les cartes Pokémon, qui a les 3 starters et tout. C'est ça. Le coin de Yu-Gi-Oh, tout marche. Pour terminer un peu sur ce thème d'école finalement, parce que là on arrive petit à petit, on a fait un peu le tour. Est-ce que vous aviez un peu des amoureuses d'école? Oh, oui, oui. Ah. La petite Sophie. Ou amoureux, pardon, pour Camille aussi, excuse-moi. Amoureuse, non, amoureux, bien sûr. Ouais, moi j'avais un amoureux. Ah. Enfin, j'avais un amoureux. Tu te souviens et... du prénom ou pas? Ou on peut pas le dire? Mais t'avais quelqu'un t'étais en kiff dessus ou ça vous êtes sortis non, pas ensemble du tout. Alors, non, mais j'espère qu'il y a. Et il est là ce soir En fait, j'avais deux meilleures amies. Et il se trouve qu'il y en a un qui est devenu mon amoureuse, j'ai aucune idée de pourquoi. Il y a un moment, il est passé au-dessus. Genre, ça y est, il a parce qu'il avait un Suicune ex brillant en carte Pokémon. Et il est resté très longtemps jusqu'au collège, je crois. Il s'appelait Alexandre, vraiment. Mais attends, tu dis, il est resté très longtemps, c'est genre, dans ta tête, c'était ton amoureux, mais lui, il le savait ou pas? Ah, on était ensemble. Ah d'accord, vous étiez vraiment ensemble. Ah, tout le monde se mettait autour de nous à la récré et voulait qu'on se fasse un bisou là. Et, alors que moi, les amoureux, c'était genre hypothétique. Hein, c'était... Ouais, moi aussi, ouais, j'aurais bien aimé, mais... Moi, j'avais une amoureuse et voilà, elle le savait probablement pas. C'est ça, hors de question d'aller la voir et de lui dire. Voilà, j'étais en mode, ah bah c'est mon amoureuse quoi, voilà, c'est elle. Fin de l'histoire. Et je pense par contre savoir... de qui j'étais l'amoureux. J'avais quelques preuves de ça. Ouais, ouais. Et ben on va l'appeler. Moi, je me souviens que j'avais une amoureuse. Enfin, je savais qu'elle était amoureuse parce qu'elle m'avait fait des lettres que j'ai. Alors putain, je les ai chez mes parents, je pense. Sur des feuilles d'idole. Mais des déclarations d'amour incroyables. Oui, toi, t'avais vraiment des déclarations. Bourrée de fautes d'orthographe, mais mignonne. Mais ouais, mais faudrait que je les retrouve. Hein. Franchement, c'est culte. C'est totalement. Moi, je peux dire son prénom. Peut-être qu'elle sent encore la rose. Moi, je peux dire son prénom parce que j'aimerais vraiment retrouver son contact pour discuter de ça. Elle s'appelle Manel, voilà. Ah. Elle était d'origine tunisienne, en tout cas, sa famille était d'origine tunisienne. Et je n'ai jamais pu retrouver de traces d'elle. Elle en fait, écoute c'est sûrement le Powercast. Ouais, voilà, actuellement. C'est sûr. Et c'est sûr. Elle m'avait offert, à mon anniversaire, un des plus beaux cadeaux que j'avais eu à l'époque, vraiment. C'était la station-service Playmobil. Et franchement, quoi ? Et une station service Shell Playmobil. Mais genre, attends, elle t'a offert ça à quelle occasion? Bah, c'était un anniversaire. J'avais fait un anniversaire avec des potes. Attends, moi, j'offrais une BD, moi. Mais oui, je sais. Elle m'offre la putain de station essence Playmobil. C'était un des plus gros jouets que j'avais pendant des années. Hein. C'était ouf. Donc, ouais, je pense qu'elle, elle était un peu amoureuse de moi. À tes 11 ans, elle t'a offert une Peugeot 206. Comme neuve. Et une Merco, allez. Elle dit bah avec ça tu pourras bourlinguer dans le centre-ville. Magnifique. Ah non, mais c'est incroyable. On m'avait offert alors j'étais en train de chercher sur internet, c'est pour ça en même temps. Mais je pensais que c'était, mais je pense pas que c'est, j'ai tapé rat Diddle, parce qu'il me semblait que c'était une sorte de peluche de petit rat. Oui, c'est une souris Diddle. C'est peut-être Diddle la souris, ouais. Mais je crois que c'était pas exactement ça. Alors je retrouverai peut-être le nom. Ça devait être un autre truc qui surfait sur la vibe d'Idol, et ils avaient fait des petits rats, tu vois, j'en sais rien. Et mon amoureuse m'avait offert ça à l'époque. Aïe. Mais je ne sais pas où ça a disparu, cette histoire. Mais voilà, probablement. Donc t'as quand même eu une amoureuse qui savait et que tu savais. Mais en fait, je me souviens que moi, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelle Élise, qui écoute probablement pas le Powercast. Et t'as fait une lettre à Élise ? J'ai jamais écrit de lettre à Elise, puisque du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais amoureux, mais elle le savait pas, tu vois. C'était, ah ouais. Voilà, c'était mon amoureuse. Ouais, surtout voilà. Si elle t'envoie des rats, c'est Jared Leto pour le Suicide Squad, quoi. C'est très bizarre, ouais. Non, mais j'avais une autre fille qui, elle, était amoureuse de moi, parce qu'elle me l'écrivait et tout, mais je me souviens que moi, je m'en foutais. J'étais en mode, bah non, mon amoureuse, c'est Elise, tu vois. Du coup, juste, elle me faisait des offrandes. De lettres et d'autres choses. Et juste, je m'en foutais, quoi. J'étais en mode, bah non. En fait, donc c'était horrible, hein, mais. T'es un fou. Je friendzonnais des meufs. Oh là, excuse. Incroyable, gars, quoi. Excuse. Donc voilà. Voilà mes souvenirs d'amourette d'école. On termine là-dessus. Vous aviez d'autres trucs à rajouter, les amis, ou pas? Ouais, moi j'ai un petit truc rapide. Vas-y. C'est que. Mon année de CM1, j'ai oublié d'en parler pendant les matières préférées, c'est que c'est quand j'avais trois profs et l'une d'elles, Isabelle, nous faisait un atelier qui a duré longtemps en vrai, où on devait construire notre propre marionnette à partir de plein de tissus. En fait, là-bas, c'était une cuillère en bois de cuisine, c'est pour remuer tes pattes, ouais. Qu'on devait colorier si on voulait, enfin qu'on devait peindre, lui mettre des yeux, un nez, tout comme on voulait, des cheveux si on voulait, et un habit. Et moi, j'avais fait un personnage qui était peint en vert. Qui avait voilà, des yeux, un nez, machin, des cheveux et une grande cape noire. Et ma nounou, parce que j'ai plusieurs nounous, avait dit à ma mère, écoutez Michel, ma mère s'appelle Michel, écoutez Michel, je pense que, bah oui, on l'embrasse, je pense que Jules a des idées noires et tout, regardez sa marionnette, regardez ce totem du diable, ce truc vaudou, je pense qu'il a des idées noires, mais mon truc, ma marionnette s'appelait Yoshi, elle avait juste une cape noire, c'est bon, faut arrêter. Bah, tu voulais représenter Yoshi avec une cape et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Je sais pas de quoi je m'inspirais, j'avais pris les premiers trucs qui me passaient sous la main, tu vois. Puis de quoi elle se mêle, cette nounou, finalement? Alors, c'est bien qu'elle surveille, mais bon, là, c'était peut-être elle s'est peut-être un petit peu alarmée trop tôt, quoi. Mais est-ce que tu l'as toujours, ce Yoshi, ou pas? Non, à mon avis, maintenant, je l'ai plus, mais je sais que quand j'étais au collège, je l'avais encore dans mes bacs. Dans les bacs. Dans les bacs. Mais si un jour tu la retrouves, n'hésite pas. C'est une horreur. Bien sûr. J'ai autre chose de la maternelle qui est dans le bureau de mon père, une vache immonde qu'il faudra que je vous envoie en photo, elle est dégueulasse. On dirait qu'elle a un visage humain. Les dessins qu'on faisait à l'école, ils étaient moches, mais en vrai, par contre, ils étaient vachement importants, je trouve, pour la construction, enfin pour moi en tout cas. Je me rappelle, il y avait une dame de service qui avait repris un de mes dessins, elle avait fait genre, mais c'est pas comme ça qu'on fait la queue d'un chat, et elle avait fait une boule au bout. Et ça ressemble plus à rien, genre la queue du marsupilami avec une boule au bout, tu vois. Et j'ai fait, mais non, elle a bousillé mon dessin. Et j'étais trop, trop marqué par ça, vraiment. J'étais trop déçu. Effectivement, bah, tu n'as rien compris. Bah non, oui. C'était pas le marsupilami, c'était un chat. Bah oui, c'était un chat. Est-ce qu'il y a toujours les tricycles dans la cour de récré en maternelle, les pneus? Je me rappelle pneus. Alors les pneus, non. Bah, ça dépend des écoles, mais les vélos... On avait des pneus, Clément. Les enfants se battent pour ça, hein. Non, mais j'imagine un pneu de tracteur immense, ouais. Et les gens, ils roulent dedans. Wow. Ce serait stylé, en vrai. C'est horrible, c'est super dangereux. Moi, j'en profite, j'ai une confession, du coup, parce que mes jeunes années un peu avant la vingtaine avec mes potes, on aimait beaucoup entrer dans les écoles la nuit. Bon, on faisait rien, hein, mais juste, c'était en mode ah, c'est... faut pas le faire, machin. Et un jour, j'ai volé un de ces tricycles. Quoi ? Et je me suis, je me... Ouais, je suis désolé. Oh putain. Et je suis là ce soir. Et j'ai... Il est là. Il je suis dessus depuis le début là-dessous. Je suis la marionnette de saut. Et je me souviens que j'étais avec des potes et que j'avais traversé... Oui, il faisait nuit, hein, mais il n'y avait personne. Je traversais la route comme ça, beaucoup trop grand sur mon tricycle, mais vraiment le bonhomme de saut, quoi. Et il y a des phares qui arrivent vers moi, de loin, hein, et j'arrive à voir que c'est des flics. J'ai fait un bond, j'ai tracé, mais sur 500 mètres, je pense. Je suis allé me planquer quelque part. En fait, t'as abandonné ton tricycle. J'avais absolument pas capté que j'avais rien à faire avec ce tricycle. Tu pensais que c'était à moi, peut-être, ou je sais pas. Bah, bon, absolument pas poursuivi, en fait. Parce que mes trois potes étaient restés là et les flics ont continué leur route. En fait, ils se sont même pas arrêtés pour me regarder, quoi. Ils ont vu un mec sur un vélo, les voir et partir en courant. Et ils s'en fichaient. C'était le moment de rentrer, je sais pas. Enfin, voilà. Mes aventures de pirate. Sacrée histoire. J'ai vu sacrée vie. Hein, de... sacrée ouais, vie. Dis donc, vie de folie. Fou. Cam, c'est bon pour toi, on a fait le tour, je pense. Fou. Ouais. Oui, exactement. On a tout pris. Et ben écoute, on va pouvoir passer au jeu de. Au jeu... Alors, on l'a appelé le jeu de l'actu, Jules, que tu as voulu nommer la capitale de tous les records. Et oui, exact. C'est un petit jeu qu'on a fait pendant notre call la dernière fois pour préparer le PowerCast. Et en cherchant des actus, on a un petit peu dérivé en vrai, parce qu'on cherchait des actus sur Lyon, si je me souviens bien, Clément. Ouais, à la base. C'était un ouais. truc comme ça, ouais. Et en voyant des actus sur Lyon, donc vous avez déjà la réponse, l'une de ces réponses est Lyon. Est Lyon. Sur toutes les questions que j'ai fait. En fait, on va parler de villes et je vais vous pitcher des villes qui ont, comment dire, un record. Comment dire, un record. Oui, même plutôt une caractéristique plus qu'un record. Okay. Un petit peu insolite ou non, et vous allez devoir deviner de quelle ville il s'agit. Alors, il faut savoir que moi, j'ai pas du tout préparé le jeu, je ne vois pas le jeu en fait. Donc je, voilà, je ne sais aussi. Pas. Ouais. Ce n'est pas mis sur le drive. La capitale des records, ça commence maintenant. C'est parti. Alors, il s'agit de la ville où il fait bon laisser son porte-monnaie par terre. Saurez-vous deviner laquelle? Alors, du coup, ça veut dire que c'est la ville la plus sûre. C'est la, voilà, exactement, c'est la ville la plus sûre. Et par contre, c'est véridique. On a fait une étude dans cette c'est ville. C'est en France, forcément. Alors, exceptionnellement, j'allais le dire, cette ville n'est pas française. Et c'est la seule. C'est mais c'est parce que Norvège. C'est. Parce que je trouvais le pitch marrant. Non, ce n'est pas en Norvège. C'est Copenhague ? Non. Alors, vous pouvez déjà essayer de trouver le pays. Je pense que ça vous aidera. C'est en Suisse. Un peu plus. C'est en Suisse, non. Exactement. Ah, ouais. Bah oui, mais c'est parce qu'ils sont tous riches. Bah, là-bas. C'est Genève. Ils n'ont pas besoin. Et ce n'est pas Genève. C'est Berne. Berne. Ce n'est pas Berne. Mais après, voilà, là, je ne reconnais plus après des villes suisses. Donc. C'est Stuhl. Et pourtant, Clément, j'y suis allé en vacances. Mais là, on n'est pas aux amours, je ne sais pas où. C'est une case du Monopoly, je crois. Du Monopoly, ah ouais, monde. Zurich. Oui, c'est Zurich, bravo. Et Zurich est la ville, en fait, il y a eu une étude qui a été faite où une institution, je ne sais pas laquelle, a fait une étude et a laissé 17 000 porte-monnaies dans 350 villes du monde. Ils ont laissé 17 000 porte-monnaies par terre. Il y avait combien? Et il se trouve que c'est à Zurich où personne n'a ramassé les porte-monnaies et s'est trouvé le plus honnête. Donc Zurich est première devant Tokyo et Adélaïde en Australie. Mais ça marrant comme expérience de beaucoup lycée moins des besoin peut-être en Suisse du coup. Ouais, ça, aussi ouais. Ouais, ils sont tous riches là-bas, ils ont pas besoin de porte-monnaie. Bah voilà, si vous voulez savoir, faites alors qu'ils auraient vos affaires du, ils auraient posé du chocolat par terre, ils l'auraient mangé hein, non, peu importe le niveau de vie. Allez. Continue, je le. La ville française cette fois la plus agréable pour y vivre. Une ville française hein, je redis. Ce n'est que des villes françaises à partir Est-ce de maintenant. Est-ce que c'est dans le nord? Non, ce n'est pas du tout dans le nord. Ah bah c'est dans le non, sud la, alors. La plus agréable pour Il y vivre. Il fait bon vivre là, c'est dans le sud bien sûr. C'est plutôt tranche sud, non. C'est Montpellier? C'est pas Avignon. C'est plus... en tout cas, c'est pas la partie nord. Lyon? Pardon? Lyon? Eh ben alors, je vais te dire, il y avait... sur plusieurs classements que j'ai vus, ça disait des résultats différents. Il y avait Angers, Lyon et une troisième ville... que du coup je ne peux pas vous dire. D'accord. Je dirais... Angers. Je ne sais même pas où se situe Angers, pour vous dire. Bah c'est là où il y a Amixem. Ah ouais, ah ça oui, m'aide vachement. Ça. Ah c'est regarde, là-bas. Pense à Amixem, voilà. C'est sur YouTube en fait. C'est à l'ouest, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, d'accord. Je crois aussi, hein. Ouais. Mais c'est pas loin de la Bretagne. Oui, c'est. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça, apparemment. Tu dis c'est pas loin de la Bretagne. Tu peux dire c'est en Bretagne. La Bretagne qui a le plus. Alors, c'est pas dans le jeu, hein, qui a le plus haut taux de suicide, la Bretagne. Hein. Ah, yes. Ah, vous le saurez. Alors, la ville française, au contraire, la plus agréable pour y vivre, saurez-vous la deviner. Elle est aussi appelée la Venise des Alpes. Bah, Grenoble. Ah. Non. Ah, bah non. Ouais, non. Ah, bah non, c'est Annecy. Eh oui, c'est Annecy. Bah, bah oui. C'est Annecy. Bah, alors, je valide. Je valide. Par contre, c'est hors de prix là-bas. Ah ouais, c'est hors de prix. Bah, enfin, y habiter là-bas, c'est super cher. Par contre, vraiment, quand tu y es, moi, j'y suis allé pour le festival d'Annecy plusieurs fois. C'est une super ville, vraiment. Ouais, mais vraiment, vraiment. Les peu de fois où j'y étais, c'est vrai que ça a l'air vraiment cool. Je me vois bien y faire mes vieux jours. Oh. Mais je suis d'accord. Je valide ça. Et ouais, par le contre, top, tout le monde veut faire ses vieux jours là-bas, donc à mon avis, ça va être compliqué. Meilleur du monde. Du coup, c'est marqué. Il y a un truc qui est marrant, je trouve. C'est marqué. Elle top le palmarès pour ses paysages de cartes postales et ses services publics fonctionnels. Oui, bon, écoutez, oui. Et on note aussi un taux d'agression relativement bas. J'ai marqué 3 vieilles sur 1500 agressées le soir seulement. Il n'y a mal, que des vieux là-bas, donc du coup, ça. Et du coup, ils ont fait pareil que pour Zurich. Ils ont mis une vieille par terre et ils ont regardé si elle se faisait agresser. Dans 350 si elle se faisait ramasser. Si les gens l'emmenaient chez eux. Sous le bras, comme ça. Mesdames et messieurs, la ville française où l'on mange le mieux. Bon, c'est à Lyon, bien sûr. Oui, la gastronomie, oui, les pastas et la pizza de la mama. De la gastronomie. Tiens, j'ai goûté la pizza de la mama de Mister V. Et alors, dans un Carrefour et Auchan. Dans un Auchan, exactement. Auchan, porte de Lyon. Et, alors, est-ce que et j'ai pris la Puletto Royale et pour une pizza à 4 euros, bah oui, écoutez, c'est bien. Ah ouais, c'est pas mal. Non, franchement, c'est pas juste un. Enfin, si, c'est un coup de com, mais ça va, tu perds pas ton argent. Eh bah, ok, merci pour le conseil. Et c'est quelle marque qui est derrière, en fait? J'aimerais savoir. C'est pas marqué, c'était vraiment la tête de Mister V. Si, mais il y a la marque qui est marquée en dessous, hein, il me semble. Ah, je l'ai pas vu, moi. Moi, j'ai juste vu la grosse tête de Mister V dessus. Ben, du coup, ça, derrière, t'as les instructions tout en italien, français. Il y a une marque qui blanchit son argent. Non, mais en fait, c'est pas du blanchiment, c'est vraiment un partenariat. Non, mais je sais. Non, c'est un sous-traitant, mais bien sûr. C'est un partenariat avec Mister V, voilà, tout simplement. Ah, bah, j'aurais dû mieux regarder la boîte. Mais c'est marqué en dessus, j'avais vu sur la pub dans sa vidéo YouTube. Je n'ai Dieu que pour Mister V. Bah, ok. J'imagine. Voilà. Mesdames et messieurs, la ville où il pleut le moins. Et j'accepte deux réponses parce qu'elles sont ex aequo à très très peu. C'est dans le sud. Marseille. C'est plutôt dans le. Oui. Alors il y a Marseille déjà. Saurez-vous deviner l'autre? Bah, c'est à côté du coup. C'est Nîmes. Martigues. Non, ce n'est pas Martigues. Un peu plus connu que Martigues. Nice. Aussi connu que Nîmes, aussi connu que Nice. Cannes. Un truc où quand tu le dis t'as un peu un accent du sud. Ah. Est-ce que cet indice va vous aider? Aubagne. Aubagne. Je vous l'ai dit parce que de toute façon vous aviez Attends, Marseille. Non, on va trouver. Okay. Non, j'aime bien trouver. Avignon. Ce n'est pas Avignon, mais ça pourrait marcher. Avignon. Montpellier. Ce n'est pas Montpellier. Non, mais par contre, c'est vraiment sur la côte. Alors, je suis très mauvais en géographie, mais je crois que non. C'est dans le sud, mais. C'est marrant, on n'a pas du tout cité Béziers, hein. C'est étonnant. Hein. C'est on Toulang. Parle pas de Béziers ici. C'est pas Toulang. Ce n'est pas Toulang. Bah, Toulon, c'est pas du tout sur la bonne côte. Mais c'est pas Perpignan. Et c'est Perpignan. Bien joué. Tu m'as pas entendu tout à l'heure, je l'ai dit. Pardon, j'ai pas du tout entendu. Tu t'es mute, Camille. Marseille et Perpignan ont seulement 56 jours de pluie par an, les deux. Alors, en comparaison, nous à Lyon, on en a 107 jours de pluie par an en moyenne, et Paris en ont 111. Donc c'est franchement pas mal, plutôt le beau tang. Ouais. Ça donne envie d'aller dans le sud, bien sûr, pour profiter du soleil. Oui, et mon dernière question. Attends, vas-y. Juste pour la parenthèse, c'est la marque Pizzaiolo qui fait les pizzas de Mister. Tout simplement. Voilà. La ville avec le plus de bars pour son nombre d'habitants. Parce que sinon, ce serait trop facile, la ville qui a le plus de bars, ça doit être Paris, parce que c'est la plus grande ville. Alors, la je ville. Sais que Tours, ah, au mètre carré, la rue qui comporte le plus de bars, ouais, enfin le plus de débit de boissons au mètre carré, ah, ok, qui est le centre de ville de Tours, Mais alors par habitant, ça doit pas être ça. Ouais, moi c'est ça mon unité, c'est le nombre coup, de barques pour habitant. J'aurais dit genre Rennes. Ce n'est pas Rennes, mais Rennes, je crois qu'elle était bien placée. Parce que je sais qu'il y a genre la rue de la soif. Non, ce n'est pas Lille, mais on est en Bretagne. On est en Bretagne, exactement. Voilà, c'est sûr, c'était sûr. Fidèle au stéréotype. Bah bien sûr. Alors, en Bretagne, si c'est pas Rennes... Bah Brest. Ce n'est pas Brest, c'est une ville moins connue. Hein. Moi, Et c'est une ville qui, quand tu l'entends, tu ne te dis pas que ça ne te rappelle pas la Bretagne. Mais là, peut-être que je vous mets sur une fausse piste. Mais on la connaît, on la connaît. Je pense que vous la connaissez, mais ce n'est pas la Alors, plus connue. Alors, c'est Nantes. Ce n'est pas Nantes. Je l'ai dit Nantes, en plus. Ah, pardon, excuse-moi. J'écoute pas du tout ce qui se passe dans ce podcast. Quimper. Ce n'est pas Quimper, c'est beaucoup moins connu que ça. Est-ce qu'à Quimper, c'est la ville où il pleut le plus, du coup? J'ai pas regardé. Ça serait drôle qu'elle s'appelle Quimper, la ville où il pleut. Ça se situe peut-être dans ce coin. Bah Quimper. Oui, c'est ça. Oh. Et c'est ça. Oh, bah alors. Je peux vous dire que cette ville a 101 bars pour ses 157 084 habitants. Un bar pour 100 ouais. Un bar en 1000, du coup. Attends. Ah oui, 1000, t'as dit 1000. Ça fait 17 bars pour 10 000, donc 1,7 bar pour 1000. Waouh. Ah, presque 2 bars pour 1000. Hein. Saint-Malo ? Non, c'est beaucoup moins connu. À comparaison. Le Mont-Saint-Michel. Ouais. C'est Paris... genre, en fait, il y a 2 habitants et du coup, il y a 3 bars. Et il y en a un qui tient 2 bars, du coup. Pour 2. À comparaison, Paris a 2,2 bars pour 10 000 habitants. Je vais dire la réponse. Cette ville, ouais, ouais, je crois que j'ai entendu. Ouais, c'est quoi alors entendu. Lorient. Oui, c'est Lorient. Ouais, voilà. J'avais complètement oublié cette ville. Tu l'as même pas dit, mais juste le ton que t'allais faire. Alors que Lord of the Rings. Alors que Lorient, du coup, on a 2 pour 1000, c'est ça? Non, alors Paris a 2,. Oui, bah du coup, oui. Lorient, en fait, on a 17 bars pour 10 000 habitants. Paris, ouais. On a 2,2 pour 10 000. Ah ouais, c'est impossible. Donc ça ferait un truc genre 0,2 pour 1000 habitants, quoi, à Paris. Mmh. Mais genre, une ville, qui a 15 habitants et qui a un bar, bah du coup... Ouais, mais alors, ils ont compté que les villes de au moins 20 000 habitants. Oui, voilà. Dans l'étude. Oui, parce que du coup, sinon, ça fausse un peu l'étude, du coup. Et j'ai appris que les autorisations de débit de boissons, c'était hyper limité et que genre, en fait, tu pouvais ouvrir un bar que s'il y en avait un autre qui fermait dans ta ville. Enfin, c'est hyper compliqué. Ah ouais, En fait, en vrai, tu peux pas ouvrir un bar comme ça. Faut que tu achètes une licence. Et cette licence, soit tu l'achètes à un bar qui vient de fermer, soit faut que tu fasses des grandes démarches pour pouvoir justifier d'un débit de boissons. Ah, tu peux acheter une licence déjà à quelqu'un. Ouais, voilà. Mais faut que ça soit un bar qui a fermé, qui avait sa licence et tout. Wow, c'est trop bizarre. Je savais pas que c'était. Bah oui, ça m'étonne comment fonctionnement. Du coup, il y a une limite par ville. Voilà, par c'est territoire. Ça. Par territoire. Ça doit être ça, ouais. C'est le préfet, je crois, qui décide. D'accord, ok. Très bien. Et à Lorient, ils avaient zéro limite. Non, ils étaient potes avec le préfet et tout. Lorient, ils ont un peu grugé les règles. Il y a peut-être des bars officieux aussi. Hein. Chez des gens, tu sais. Et pour finir, ma dernière question. Quelle est, selon vous, la ville qui compte. En France, le plus d'adultères. Ouh. Eh ouais. La ville des infidèles. Oh, c'est dans le nord, ça. C'est un jeu de mots. Oui, c'est dans Paris. Le nord. Non, c'est bah, putain, c'est dans le nord. Alors, c'est pas une ville que j'aurais pensé. Enfin, parce que moi, de base, j'aurais dit genre Paris, tu vois, un truc où il y a beaucoup de monde qui se croise, etc. Oui. Quoi. Arnaque la Poste. Et en fait, pas du tout. La ville d'Arnaque la Poste. Enfin, pas du tout, je dis pas du tout, Paris est deuxième. Hein. Ah oui, d'accord. Et Paris et Bordeaux sont deuxième et troisième. C'est des grandes villes, hein, parce que j'allais dire la ville de mon cul pour faire des blagues. Mais... C'est une ville connue, oui. En France. Et Lyon, tu sais où il est dans le classement? Ah, Lyon, je sais pas. En fait, l'article me disait que les trois premiers. Non, bah c'est pas grave, t'inquiète. T'en fais pas. Et là, pareil, ils ont mis quelqu'un d'infidèle dans la rue, ils ont attendu. ils ont chronométré le temps qui. dans le nord, c'est quoi Une ville du Nord. Dunkerque. Ce n'est pas Dunkerque. C'est Lille. C'est Lille, exactement. Ah bah voilà. Putain, Lille Wayne. Non, pas du tout. Lille Lyon. Lille est la ville qui compte le plus d'adultères en France. C'est une étude du site de rencontres extra-conjugales Gliden. Ils ont fait un classement par rapport à leur nombre d'inscrits et Lille ressort premier avec 29,01% d'infidèles. Et t'as la liste des noms aussi. Attends, 29,01% d'infidèles. C'est beaucoup, hein. Ouais, de tous les habitants. Non, des gens surtout les gens de Lille. Et enfin oui, et inscrit sur Gliden. Donc ah oui, alors voilà, je parle oui, même voilà. pas de ceux qui sont inscrits sur les autres sites extra connus. Ouais, c'est ça. Putain, mais c'est fou. Ah ouais, quand même. Ça fait quand même beaucoup, ouais. Ouais, c'est énorme. Okay. Après voilà, on est d'accord que le site Gliden, j'ai l'impression que c'est un truc pour les infidèles à la base. J'ai jamais entendu parler. C'est ça. C'est un site de rencontre extra conjugale. Ouais, ah voilà, oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est bizarre ce comment ils ont ce pourcentage en fait, comment ils le sortent. Écoute, je sais pas, ils ont dû mixer avec d'autres, mais en tout cas, c'est ce qui leur sort. Ouais. J'ai fini ce jeu, j'ai juste des petites mentions honorables. Ah oui, parce que... oui, tu m'as dit que t'en avais, ouais. Ouais, bah, en fait, c'est juste qu'à force de taper classement, ville insolite et plein de mots-clés comme ça, à chaque fois, ça me mettait les mentions de. Ça me mentionnait les villes qui ont des noms rigolos. Donc, j'en profite pour faire un salut à Saligo, Froicu, Anus, et mon préféré, c'est Sainte-Verge-les-Épinettes. Incroyable. Sainte-Verge-les-Épinettes est très mignon. C'est trop mignon, mais c'est où Sainte-Verge-les-Épinettes? Eh ben alors, je vais te dire ça tout de suite. Et comment est-ce qu'on appelle les villages d'Improlix? Les verges. Les vergerons. Les vergetures. Les vergetures. Eh ben en tout cas, il y a un super décathlon. Je crois que c'est vers Thouars. C'est dans le 79, je crois, c'est ça. C'est 79, exactement. Sainte-Verge. Et pour. C'est vers Nantes. Ah bah voilà. C'est vers Nantes, Angers et Tours. Bah, c'est à côté de chez toi. C'est à côté de Tours. On pourra en faire un petit tour. Ah, allez, super. Un petit selfie devant le panneau. À Sainte-Verge. Eh bah écoute, super. On va passer à la nouvelle rubrique de cette nouvelle formule de PowerCast. La rubrique casse-gueule. Hein. Ouais, alors on va le tester. Ça se trouve, ça s'arrêtera à partir Crash de test. Cet épisode-là. C'est la rubrique du débat. Parce que je suis tombé sur un débat, et Fabien d'ailleurs tu l'as partagé pas longtemps après que je sois tombé dessus sur une conversation Messenger, qui disait, parce que ça a un peu, ça a genre divisé Twitter en deux ce débat. Mmh. Ah, et avec les présidentielles TikTok, encore plus. Oui, oui. TikTok, Insta, tout le monde était divisé. Thomas Pesquet a tweeté. C'est vrai, et je vous dirai pas pour quel côté il est pour pas que ça vous influence. Y a-t-il plus de portes ou de roues dans le monde? Voilà. Des roues pour rouler, hein, bien sûr. On met de côté ces parties pris politiques. J'ai la réponse. C'est alors, les fenêtres qui gagnent. Quoi? Là, c'est porte ou roue? Bah, oui, non, je sais. Okay. Alors, mais les portes-fenêtres, elles gagnent. Dans la roue de voiture, bien sûr. On vous propose qu'on se mette chacun d'un côté. Moi, je prendrais. Ah oui, d'accord. Tu préfères quoi, Jules, d'ailleurs? Tu préfères quoi, porte ou roue? Moi, je suis plus team porte, mais. Eh ben, je prends roue. Et pareil, Camille et Fab, vous en prenez un des deux. Et on va défendre notre point de vue avec des exemples, avec des arguments. Il faudra justifier. Voilà. Bah, okay, prenez n'importe au pif, hein, les gars. Prenez un pif. Prenez la porte. Allez, je prends la porte. Tu prends la porte Je me casse. Bah, du coup, Camille, ouais, je prends les roues, ouais. Il faut qu'on soit deux contre deux. Ok, donc on est team roue avec Cam. Et j'avais un bon argument pour les roues. Nous, on est team porte avec Fab. Avec Fab. Ouais. Bah allez-y, la team porte. Alors pourquoi vous estimez qu'il y a plus de portes que de roues dans le monde? Parce que moi j'ai des contre-arguments là pour vous là. Moi je trouve, il y a un truc que je trouve intéressant de ce que tu disais justement, Fabien. C'est que les fenêtres gagnent. Et dans certaines portes peut y avoir des fenêtres. Il existe même des portes-fenêtres également. Ouais, exactement. Et qui peuvent être un petit peu piégeuses. Attention à pas se les prendre, hein. Je trouve que c'est quelque chose quand même d'assez hybride. Et même si je jalouse un petit peu une des premières créations de l'homme, la roue, je trouve que les portes ont quand même leur place et en plus grand nombre dans notre société. Et puis j'ai un très très bel argument. C'est que sur une voiture, il y a 4 roues, mais il y a aussi 5 portes la plupart du temps. Là. Et donc forcément, si on compte la roue de secours, c'est à peu près équivalent. Mais bon, une maison n'est pas sur roues. Donc par conséquent, un mobilhome, je pense. C'est pas sur roues, peut-être. Oui, mais il n'y en a que 2 alors qu'il y a beaucoup plus de portes intérieures. Ouais. Parce que porte d'entrée, porte des toilettes. Ouais. Alors, dans les maisons, certes, il y a des portes, mais dans une maison, il y a parfois plus d'une personne, on est bien d'accord. Ces personnes peuvent avoir, par exemple, des rollers, des skateboards, des vélos, et une personne, elle a deux pieds, et sur un roller, exactement, et sur un roller, Fabien, je t'avais dit qu'elle nous sortirait la... Il y en a quoi? Il y en a 3. Sur les stylos billes, il y a des... Non, c'est des billes. Il y a des roues, non, mais des roues, il y a 2 pieds, 2 rollers, 3 roues par roller, ça fait déjà 6 roues par personne. Et est-ce que l'entreprise qui produit le plus de pneus ne serait pas l'entreprise Lego si, dans le vous monde avez raison. C'était l'argument que je voulais sortir. Imaginez le nombre de roues que produisent Lego si c'est eux la plus grande entreprise. Oui, mais ils produisent aussi énormément de portes pour faire des maisons. C'est vrai qu'ils produisent des portes de petites maisons. Mais moi, j'imagine. Bah non, mais voilà, il y a plein de trucs sur roulettes. Il y a des tables sur roulettes. Des chaises de bureau. Ah, les chaises de bureau, voilà. T'en comptes combien sur ta chaise de bureau? J'en ai combien? Mais est-ce qu'on a le droit de compter les portes au sens figuré, du coup? Parce que avoir la porte ouverte à quelque chose. Ah non, c'est ça aussi. Oula, excusez-moi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres là. Oui, mais tout est comme sur des roulettes. Justement, les portes ouvertes, toutes les opportunités, si je peux me permettre. Non, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres après. Les portes de placard. Je crois qu'il ne nous entend plus, il n'a plus son casque. J'ai retrouvé l'audition. Ah, oui. Voilà, ouais. Mais je disais, Jules, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres après. Donc, du coup, et les fenêtres gagnent toujours au final. Parce que le premier argument n'était pas déjà posé dès le début, quoi. Enfin, ouais, voilà. Je crois. Vous avez encore des arguments ou pas? Les meubles sur roulettes. Il y en a pas beaucoup, honnêtement. J'en ai même deux ici. Écoutez, je pense que vous avez tort et je pense que vous devez changer de vision. Vraiment, pour la France, s'il vous plaît. Parce que sinon, on va amener l'argument des frigos aussi et des frigos avec des portes. Alors, ça, ils ont deux portes en plus, les frigos. Il y a le congèle et le frigo. Ouais. T'imagines le débat, genre, ouais, ok, vous avez pour finir un peu sur ce débat, parce que là je pense qu'on a atteint le paroxysme de ce débat. Prenons une maison type, un appartement, on va dire, ce sera moins compliqué quand même. Allez-y, pendant que vous y êtes, un studio où il y a que deux portes. Voilà, allez, prenons mon studio. N'importe quoi. Combien de portes, combien de roues, Clément, dans ton studio? Objection. Bah, c'est compliqué parce qu'en fait, j'ai un dressing avec plein de portes. J'en ai genre au moins 4 des portes. Et ben, et combien de roues, cas, combien ça, de roues vous avez dans votre appartement? Bah là j'ai rien. Alors attends, parce que rien que là j'ai 4 portes pour mon dressing, plus des... je crois que j'ai 5 portes si on compte les portes plus ma porte d'entrée. On en a 9 à peu près, quoi, on va dire. Sans compter d'autres portes pour l'instant. Ah si, j'ai des portes de meubles aussi. Bon, ok, ça fait. Portes de placard. Ouais, le placard. Mais en roue, j'ai déjà 6 roues de. Non. Alors là, objection, vous parlez de roulettes là, ce n'est pas pareil. On a demandé les roues. Pas des roues. Écoute, avec les portes de placard. Sinon, tout de suite, on va ramener les tiroirs, hein, et puis. Bah non, mais on compte les portes de placard, on peut compter les roulettes. Allez, allons-y pour les roulettes. On peut bien leur accorder ça, ils ont déjà perdu d'avance, c'est clair. C'est vrai que là, après, j'ai plus vraiment de roues. Attends, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai sur les roues. Bon, Camille, aide-moi. Tu es de ma team là. Ouais. Ben écoute, t'as pas un skateboard? Si, j'ai mon petit skateboard. Donc j'ai 4 roues sur mon skate. Sur roulettes là? Si, j'ai un meuble sur roulettes. Je crois que j'ai un four. Mon four doit avoir au moins 2 roulettes pour le déplacer. Après, si on veut le faire rouler, c'est minimum. Voilà, si tu le poses. Les cartables à roulettes, hein, le thème de l'école. Excusez-moi, voilà. T'as pas une valise à roulettes? Si, j'ai ma valise à roulettes. Bah voilà, bon, allez, 4 roulettes de gagner. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas accorder les roulettes. Mais en vrai, c'est un débat qui est sans fin. On peut... ouais. Je pense qu'on a tous. Mais je pense qu'on a fait le tour, oui. Dans le monde entier, je pense que les gens ont su choisir leur camp chez nos auditeurs. Voilà. Le podcast de la semaine prochaine, pour un épisode 2, ouais. Plus de buffet ou de parquet Louis XV. Oui, ça sera un mélange à chaque fois de deux objets. Bah ouais, non, mais on verra. Ça pourrait être pas mal en vrai. Mais dites-nous en commentaire sur YouTube, parce que je la mettrai quand même en version vidéo, j'allais dire, sur YouTube, pour que vous puissiez commenter. Et je sais pas si on peut commenter sur d'autres plateformes de podcast, mais... Apple Podcast, tu peux. Mais au pire, pas en direct sur un épisode. Envoyez-nous un message avec votre team et on verra, on fera un sondage sur qui a le plus de... Taguez-nous avec le hashtag roue ou porte. Bah, je pense que déjà, avec le hashtag PowerCast, le hashtag... Hashtag PowerCast et vous mettez roue ou porte et puis on voit combien il y en a. Bon, on regardera jamais, mais bon, faites-le. Parce que déjà, fait un hashtag PowerCast qui est quand même plutôt cool. Qui serait le premier. Oui, c'est vrai. On arrive à la fin de cette émission, après ce long débat, mais pas tant, mais finalement qui fatigue un peu quand même. On va terminer travailler les ménages tranquillement avec les recommandations culturelles, comme dans tous les podcasts. Et je laisse commencer... Camille, tiens, pour la galanterie. Allez. Moi, j'ai une série qui s'appelle Why Women Kill. Je ne connais pas du tout. Pourquoi les femmes tuent. C'est en deux saisons. Et alors, la première saison est excellente. C'est en fait la vie de trois femmes qui vivent à trois époques différentes, mais dans une même maison. Et elles font face à des choses difficiles dans leur couple qui les amènent à Why Women Kill, pourquoi les femmes tuent, quoi. Excellent. La scène finale est très belle. Et la série est terminée, du coup. Et alors, je sais pas s'il y aura une saison 3. Je sais que les deux premières saisons sont terminées. Je sais pas du tout s'il y aura une saison 3. C'est, la saison 2 ouvre sur une prochaine pour l'instant ? Non, parce qu'en fait, alors chaque saison se termine l'histoire en fait. D'accord, la saison 2 c'est une autre histoire. Ouais. Okay. Ouais, c'est ça. Et on change les acteurs. Une série d'anthologie. Mais ça, j'aime bien parce que tu t'arrêtes vraiment quand tu veux en vrai. Et ouais. J'ai tellement de mal à m'engager maintenant dans un truc. Là, je me suis motivé à recommencer à regarder Pirates des Caraïbes et je me dis, bon, je suis parti pour 5 films quoi. Ouais. Et sinon. 3, tu veux dire 3. 3, il n'y en a eu que 3. En film, mais je pense que du coup tout le monde en parle en ce moment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé Alerte Rouge. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez déjà vu une salade aussi bien faite ? Ils en parlent dans le podcast, j'étais complètement d'accord. La salade est incroyable pour le père. Le plan du. On est d'accord que c'est la même réal que le court-métrage Bao. Mais j'ai mangé un bao ce soir là. Mais j'ai trop envie de manger des bao là. Non mais déjà dans Bao, la maman faisait de la cuisine et je trouvais la bouffe ultra. Ouais. C'est hyper moelleux, mais c'est à la Pixar, ça, ils savent bien faire, ça donne trop envie. Trop bien. Ça donne trop envie. Et juste pour en revenir, Why Women Kill, on peut le regarder sur quoi, Camille ? Attends, je veux pas dire de bêtises. Est-ce que j'ai pas regardé sur Salto ? Ouais, et sur Amazon Prime également. Et sur Amazon Prime, je sais plus sur lequel des deux j'ai regardé. Ouais. Et Alerte Rouge sur Disney Plus d'ailleurs. Disney Plus, bien sûr. Alors, il moi je l'ai pas, cinéma, je l'ai pas encore vu. Non il est, celui-là c'est une exclue Disney Plus du coup. Ouais. Il devait sortir. De quoi Alerte Rouge ? Ouais, Alerte Rouge. Tu l'as pas vu toi, Clément, encore ? Non, pas encore. J'attends ma compagne pour le regarder. Et alors, d'ailleurs, j'ai entendu parler que j'avais pas du tout capté, mais Alerte Rouge apparemment est une métaphore des règles et même s'ils en parlent un petit peu, j'avais pas du tout capté. Ok. Et en fait, au début, ils vont peut-être faire trop le parallèle et au final, c'est juste une blague. Bon, ça va. Ça va. Ouais, j'ai eu peur que ça soit ça aussi, trop le. C'est pas traité lourdeau et okay. c'est. Mais par contre, c'est vraiment. Par contre, le personnage est vraiment la réalisatrice en fait. C'est son époque et c'est son. Ça correspond en fait à la date où elle a grandi, elle. D'accord. C'est très introspectif. Après, bon. C'est pas changé en Pandarou, quoi. Non, voilà. Ouais, ça m'aurait étonné. Même si c'est Camille qui a écrit le film ou quoi, parce que ça s'appelle Goldfire Poe. Non, mais c'est incroyable. Goldfire Poe, ouais. Petit Pandarou. Petit Pandarou sur. C'est ça. C'est sur quoi, jeux, Petit Pandarou ? Ah, c'est sur les Steam. Ouais, c'est vrai. Ok, très bien. Bah écoute, faut que je le voie. T'en as une, toi, Clem ? Ouais, j'en ai. J'en ai. Si vous voulez, je peux. Moi, on s'en fout de mes miennes, du coup. Bah après. C'était à toi. Il n'y a pas d'ordre. Non, il n'y a pas d'ordre. Vas-y, Clément. Tu veux y aller, Fabien, toi là. Non, t'inquiète, j'ai cru qu'en fait. On avait oublié. Toi, t'as trop joué avec les gendarmes, toi. Tu t'es trop pris pour le maître du monde. On descend sur terre, monsieur. On descend dans le bac à sable. Alors, moi, j'avais deux rapides recommandations. Bah, d'abord, j'avais le comics Allman Logan, bon, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et que j'ai relu parce que je l'avais déjà lu à la médiathèque à l'époque. Et il est toujours aussi marquant ce comics. C'est un one shot, je sais plus comment dire. Un one shot, c'est ça, en fait, en comics. C'est-à-dire que l'histoire commence et se termine, bon, plus ou moins, parce qu'elle se termine sur une fin ouverte qui a d'ailleurs, je crois, amené à des sortes de suites. Non officiel dans la lignée, mais du coup c'était ouvert. Voilà. Plus ou moins canon, quoi. Voilà, parce que c'est pas les mêmes auteurs après qu'on fait la suite. Mais Allman Logan est super, c'est celui qui a inspiré le film. Enfin, c'est le comics qui a inspiré le film Logan après, plus récemment. Voilà, c'est l'histoire du monde qui n'a plus aucun super héros parce que les méchants ont gagné. Et Logan a pris sa... Logan, qui est Wolverine, hein, bien sûr, a pris sa retraite parce que... c'est expliqué dans la BD, mais je vais pas vous en parler parce que, voilà, c'est expliqué. Parce qu'en plus, j'aimerais bien que tu me le prêtes, donc je dis pas tout. Je te descendrai le comics à l'occasion. Merci bien. Et du coup, on est dans une sorte d'atmosphère post-apocalyptique où les méchants, du coup, dominent le monde et c'est la merde et... Et voilà, et Logan a Hawkeye qui est devenu aveugle, qui arrive chez lui et qui lui demande un service. C'est et l'histoire commence là-dessus, et il y a plein de petits péripéties à travers l'Amérique post-apocalyptique, et c'est incroyable, c'est trop beau, c'est ultra violent, enfin c'est, ouais, c'est vraiment ultra violent psychologiquement. Et donc en fait le film Logan s'inspire de cet arc, mais a complètement retravaillé l'histoire, parce que ah ouais, complètement. Pas du tout les mêmes personnages du coup. Oui, parce que bah, en fait il y a même pas X-23 dans Old Man Logan pour le coup. Ouais, et puis en plus oui, X-23 est censé être déjà né et jeune quand Logan n'est pas si vieux que ça, quoi. Donc en fait ça s'est inspiré de ce comics là pour quelques trucs, tu vois, mais bah, pour notamment la retraite de Wolverine, quoi, mais après sur plein d'autres trucs c'est différent, c'est clair. Mais okay, voilà, je vous le conseille, il est très cool. Il est dans les comment les must, je crois que c'est Marvel must see, must read, un truc comme ça. C'est genre la collection la collection des Marvel à avoir lu absolument, et voilà, je vous le conseille en tout cas. Okay, et ma deuxième recommandation, c'est une chaîne YouTube qui est aussi un compte TikTok et un compte Insta. Mais moi j'ai pas TikTok, donc apparemment ils sont assez productifs sur TikTok, et je vous conseille parce qu'ils sont, ils mettent pas malheureusement leur TikTok sur, enfin pas tous leur TikTok sur Instagram, ce qui est dommage. Mais du coup il faudrait que je me crée un compte TikTok juste pour les suivre. Mais ils mettent quand même néanmoins leur majorité de vidéos sur YouTube. C'est deux jeunes qui sont frères, qui sont les frères McFarlane. C'est deux jeunes frères qui ont une chaîne qui s'appelle Stuart Mac. Ça s'écrit S-T-U-A-R-T Mac, tout attaché, M-A-C. Ils ont alors que 1600 abonnés sur YouTube. Sur Insta, ils en ont un petit peu plus. Et je crois que sur TikTok, ils buzzent un peu plus. Parce qu'ils font des trucs un peu plus trendy, j'allais dire. Et en gros, c'est 75 000. Ah bah merci pour l'info, Cam. Ils font des sortes de petits sketchs. Ils font des petits sketchs que moi, je trouve trop drôle, genre bah moi en fait je les ai découverts avec un sketch qui était sur Insta, où c'est genre un plan de Flash qui est l'homme le plus rapide du monde soi-disant, et tu vois du coup Flash qui court, je pense que tu regardes en même temps Cam, j'ai l'impression que tu rigoles, ce qui est l'homme le plus rapide du monde, mais en fait tu vois le contre-champ, c'est le cadreur de Flash qui court aussi vite, mais genre lui il est tranquille qui cadre en même temps, et juste la gueule du gars qui est le cadreur qui fait genre un pouce en mode c'est cool et tout, continue, et juste Flash qui est en mode mais what et tout. Il y a des effets spéciaux du coup. Et il y a des très bons effets spéciaux. Ils sont très jeunes je pense, parce qu'ils doivent avoir une 20 ans, 25 ans je pense. Et là ils ont Camille, sorti, tu m'envoies si tu veux. Je vous conseille moi leur chaîne YouTube, parce qu'ils ont sorti Star Wars préquel versus sequel fan, où ils font un combat de sabre laser qui est genre méga bien fait, avec des putains d'effets spéciaux pour leur, bah, j'allais dire leur nombre d'abonnés, parce que finalement la vidéo a fait 2000 vues, tu vois. Et j'ai découvert quand même, en cherchant un peu des infos sur eux, qu'ils sont sur YouTube depuis 2006, ce qui est énorme. Ah, et oui, je suis allé voir leur première vidéo, j'étais mignon en sixième. Parce que je me suis dit mais attends, mais 2006 ils étaient à peine nés. Et je suis allé voir la première vidéo, et je pense que c'était leur papa qui avait cette chaîne, parce que c'est juste eux deux enfants sur un trampoline, et je trouve ça très mignon. Et ensuite leur première vidéo, leur seconde et etc vidéo, c'est eux qui font, enfin c'est un des deux qui fait des petites vidéos de fiction, mais un peu enfantine, tu vois. Et ça m'a tellement rappelé ce que moi je faisais sur Windows Movie Maker, même avec Fabien à l'époque, où on faisait des petits courts métrages un peu nuls avec des effets spéciaux. Là il fait style, il a un clone, mais genre en fait c'est juste lui qui est filmé à côté, tu vois, et juste ça passe d'un plan à l'autre. Et avec beaucoup d'insouciance, et en fait tu vois qu'il a commencé comme ça et qu'il est toujours sur YouTube 16 ans après. Et là maintenant tu vois leur niveau d'effets spéciaux, tu les vois augmenter de plus en plus, tu vois, quand tu regardes les vidéos plus ça augmente, quoi. Et là dans leurs 10-15 dernières vidéos, il y a vraiment un bon niveau d'écriture et un bon niveau d'effets spéciaux, et je pense qu'ils vont pas mal buzzer là, parce que ça commence sur TikTok à pas mal buzzer leurs vidéos. Et je vous les conseille en tout cas, que ce soit sur TikTok, Insta ou YouTube, de les suivre, parce que franchement, ils sont très drôles. C'est des Australiens, donc faut parler un peu anglais. Enfin, faut comprendre l'anglais. Mais c'est genre, c'est tellement de l'humour qui parle à tout le monde que, franchement, il y avait juste là, leur dernière vidéo YouTube qui m'a fait mourir de rire, parce que c'est vraiment du vécu. C'est genre, elle dure 30 secondes, et c'est juste quand, genre, tu découpes un papier cadeau avec ton ciseau. Et que là, ton ciseau commence à glisser et que tu découpes le papier cadeau. Et là, juste la sensation de ça. Et genre, après, ça part en effets spéciaux et tout. Et je vous la conseille. Et je vous conseille aussi celle sur Star Wars qui est vraiment ultra bien faite. Donc voilà, je vous conseille Stuart Mac, les deux frères McFarlane, Stuart Mac, donc sur plein de réseaux. Mais tu leur mettrais quel âge du coup ? Bah, je pense 25. J'aurais dit 25. Nos âges, du coup, peut-être. Bah, c'est un peu ça, mais ils sont même un peu plus jeunes que nous, je pense. D'accord. Voilà. Et voilà, je vous conseille, en tout cas. Très bien. Ça promet, je pense. Bah, Fabien, à toi, du coup. Je vous propose. Alors, j'aurais pu vous conseiller Arkane. J'aurais pu vous conseiller le dernier Batman, bien sûr, parce que faut aller le voir. J'aurais pu vous conseiller Community, parce que je m'y étais remis et vraiment, j'avais vraiment kiffé. Mais il faut que je m'y mette. Community. Mais finalement, je me suis dit, en vrai, je vais essayer de conseiller un jeu vidéo. Donc, pas Prop Night, qu'on a beaucoup poncé avec tout le monde ici. Sauf Jules, d'ailleurs. Jules, faudrait que tu viennes sur Prop Night. Toujours pas, ouais. Je voulais vous conseiller un jeu qui s'apparente au Game of the Year It Takes Two. Et on y a tout joué, par contre, ici, c'est Opération Tango. Ah oui. Opération Tango qui mérite vraiment, qui est un super jeu de gameplay asymétrique, hyper rythmé, et si avec une impression en fait d'être l'espion et puis le geek qui aide l'espion de l'autre côté derrière son écran. Et donc ça se joue à deux à distance avec écran du coup caché pour l'autre personne. Enfin, en gros, vous voyez pas le même écran, il faut pas que l'autre voit l'écran de l'autre. Ouais, c'est pour expliquer asymétrique, c'est ça, c'est genre on n'a pas le même jeu en fait, on joue à deux, c'est ça. On n'a pas le même. Mais jeu. Par contre, on va s'entraider sur une même map, c'est-à-dire que le geek va recevoir des informations qu'il va devoir transmettre à l'espion qui est sur place, l'espion et vice-versa, tout ça. Et honnêtement, le jeu est hyper bien rythmé et hyper graphique aussi. On retrouve vraiment l'ambiance d'un film d'action quand on y est. Je crois qu'on y a tous joué ici. Jules aussi, je crois, tu y avais joué, non ? Tango ? Opération Tango, ouais. Non, j'ai pas joué. Non, t'y as pas joué. En revanche. Ah, It Takes Two, ouais. Mais du coup, bah, Jules, je te conseille vraiment d'y jouer. Vraiment bien, ouais. C'est cette ambiance un peu en plus de film d'action des années 80-90. Excellent. Et même, je le trouve un peu court, du coup, tellement qu'il est bien. Parce que j'ai regardé mon temps de jeu tout à l'heure sur Steam et je n'y ai joué que 7 heures. Et pourtant, j'ai fait deux runs. Une avec Camille et une avec Clément. Et ça m'a marqué. Et du coup, c'est un très très bon jeu. Et d'ailleurs, il n'y a qu'une seule des deux personnes qui a besoin d'acheter le jeu. L'autre personne a juste besoin de prendre le code ami. Le Friendly Pass. Ouais. Et du coup, rejoindre la personne qui a acheté le jeu. Donc, voilà. D'accord, trop bien. C'est vraiment, vraiment excellent. Ouais, et en plus, maintenant, il y a une nouvelle mise à jour où t'as des défis maintenant pour prolonger le jeu, parce que le jeu est un peu fini, tu arrives à la fin de l'histoire, en gros, assez rapidement. Et maintenant, c'est des sortes de défis où t'as des petites missions à faire un peu plus simplistes en termes de décor, mais qui sont tout aussi bien. En vrai. Et tu dois faire les meilleurs temps et tout. Ouais, ouais. On l'a fait l'autre jour avec Fab, et tu dois faire les meilleurs temps, quoi, sur des courtes missions, quoi. Et c'est cool. Ok. Ok, voilà. Voilou. Très bien. Et Jules, alors toi ? Eh ben, moi, du coup, j'en profite très rapidement pour recommander It Takes Two que j'ai pas fini mais que je fais avec ma copine là. Alors, j'ai entendu que la morale était un peu douteuse, qu'elle marche pas, je vais pas spoiler pourquoi. On en parlera après au pire. Ouais, on dit. Et qu'est-ce que j'ai sinon ? Game of the Year d'ailleurs, du coup, It Takes Two, hein, vraiment. Oui, c'est vrai. Bah, pour l'instant, je trouve ça assez mérité. C'est cool, c'est nouveau et tout ça, c'est cool. Et sinon, j'ai trois podcasts, je vais en recommander deux rapidement et un peu plus en détail. Le premier, c'est Friendship de Solène Rigoulet. Et c'est un podcast où cette fameuse Solène Rigoulet invite des binômes d'amis. Et en fait, ils parlent de leur amitié. Alors, comme je le pitch, on dirait un peu les amours, mais j'ai écouté un peu et c'est pas mal. Tu vois qu'est-ce que l'un connaît de l'autre et c'est assez cool à écouter. Et la Solène, elle est genre là au milieu, elle fait l'arbitre, elle fait quoi du coup ? Oui, elle est animatrice, voilà. Ah, okay. Elle leur pose des questions aussi. Très bien. Et qu'est-ce que c'est l'autre ? C'est je remets un coup de pouce, même s'ils ont plus d'auditeurs que nous, à planséquence.net, je crois, de Sofiane, et où en fait c'est un regroupement de podcasts, on va dire. Donc t'as le Marvel Initiative DC Alternative Podcast où ils parlent des films Marvel et DC. Tu as la saga, donc où ils parlent des sagas. Là, ils ont fait Alien, c'était super. Retour vers le futur, Rocky, Scream, ils en ont fait plein. Et c'est un pur plaisir à écouter, c'est super intéressant. T'as plein d'anecdotes de tournage. Ils ont fait Matrix aussi, où t'en apprends beaucoup sur la production et tous les messages du film et qu'est-ce qu'il faut croire ou pas. Et ça te montre que Matrix est une œuvre vraiment hyper complexe en fait, dont je voyais même pas la portée avant. Ouais. Et donc voilà, là c'est vraiment cool. Là, je me suis abonné à leur, j'ai souscrit à leur Patreon il y a peu. Du coup, il y a plein d'épisodes inédits et où ils font notamment les séries Marvel et d'autres films comme The Thing, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, et c'est super. Et enfin, il y en a un dernier qui s'appelle, qui est un podcast français aussi, qui s'appelle Une setlist presque parfaite, où c'est un gars, donc je n'ai plus le nom malheureusement, qui invite des gens pour parler d'un groupe, et en fait établir une setlist de genre le concert parfait avec ce groupe, on va dire par exemple Muse, j'en sais rien, ouais, et ouais. Il va inviter quelqu'un qui aime beaucoup Muse, et établir la setlist presque parfaite selon les albums, en mode bah, tu commences avec un truc qui a du punch, et puis ensuite t'auras le moment un peu émotion, donc là tu vas mettre cette chanson, et donc au début ils font par album, ils font des tier list par album, et ensuite hop, ils regroupent tous les albums, ils refont une sélection pour faire le concert parfait. Putain, c'est une trop bonne idée. Trop plus, ouais, c'est une super idée. Ça permet de parler des groupes et de manière générale aussi, quoi, c'est ça qui est cool. Ouais, carrément. Et il parle de la période où il y avait tel chanteur ou telle chanteuse, machin. Et c'est pas mal, ouais. Et puis du coup, il essaie d'inviter des gens alors des fois de groupes, et notamment de groupes que moi j'écoute. Du coup, c'est d'autant plus intéressant, quoi, d'entendre ça sur des groupes que j'aime et avec des membres de groupes que j'écoute en plus. Ah ouais, il y a qui, notamment un groupe lyonnais. Bah, Resolve, vous les connaissez pas, mais moi j'ai commencé à écouter. C'est un groupe de, on va dire, metalcore. Pour faire global, et du coup ça me fait encore plus plaisir d'avoir leur avis, parce que du coup tu vois un peu plus leurs influences et tout ça. C'est énorme, ouais, et voilà. Trop cool. Et du coup ils réfléchissent aussi aux guests qu'il pourrait y avoir pendant le concert. Ils disent ouais, alors celle-là on la met genre en dernière s'il y a le guest évidemment qui vient machin. S'il y a le featuring, ouais, qui vient. Ah, c'est un bon concept en vrai. Ils en parlent. Trop bien. C'est un super concept. J'encourage. Une setlist presque parfaite. Très bien, c'est noté. Très Camille, bien. T'avais d'autres trucs à dire, ou Fab aussi? Non, c'est le tour. Bon. Bah du coup, Camille et Fabien, on vous retrouve en streaming en ce moment. Oui. Camille, on te retrouve sur ton Twitch GoldfirePo. Mm-hmm. Et Fabien, on te retrouve sur ton Twitch Fabien3D, donc twitch.tv/GoldfirePo ou /Fabien3D. Voilà, c'est ça. Souvent, nous aussi, on nous retrouve. Eh oui. On nous retrouve. Bah quand on vous cherche sur Google. Ouais, bah sur TurboRire 2000, nous, quand on stream, mais alors on stream. Enfin, moi je stream moins régulièrement maintenant. Mais ça reprendra. Je fais une petite pause, c'est les petites vacances. T'as raison. Oui, ça voilà, reviendra. On se repose, mais ça reviendra, le rythme reprendra. Mais en tout cas. Ça va être un peu plus là à l'avenir d'ailleurs. Ah, bah ça me fait plaisir. Trop en tout cas, si vous voulez nous réécouter un peu, parce qu'on est souvent un peu cette équipe-là, avec d'autres gens d'ailleurs. Mais en tout cas, Fabien et Camille, vous streamez souvent ensemble. Mm-hmm. C'est tout sur vos deux chaînes, on peut vous retrouver en tout cas. En multi-stream. Oui, en plus, la plupart du temps. Donc ça, c'est cool, sur des jeux multi. Et on peut... Camille, toi, on peut te retrouver sur Instagram aussi, avec Camille Lit des Livres. Ouais, je poste plus très souvent. Mais j'ai vu que t'as posté récemment, non, sur quelques nouveaux livres, là. Ça m'arrive, ouais. Oui, parce que j'ai reçu un service presse de manière random, je ne m'y attendais pas. Oh. Et bah écoute, voilà. Conseils littérature un peu jeunesse, plutôt, pour la plupart, non? Ouais, pas non, pas forcément, un peu tout. Ouais, ouais, ça dépend de ce que je reçois. Il y a le compte Insta, Camille lit des livres, du coup c'est plutôt cool. Et c'est là où t'as ton actu, finalement, de tout le reste, en fait. Ouais, ouais, voilà. Complètement. Et toi, Fab, on peut te retrouver aussi... Fabien Robert tout attaché sur Instagram. Je fais des dessins. En ce moment, c'est une petite pause dessin. C'est par vague. Ça revient vers la fin temps, d'année, en général. Sûr, voilà, c'est ça. Vers la fin d'année, je m'y remets, vraiment. Et là, en ce moment, je suis en train d'acheter un appartement. Donc, c'est des projets de vie. Mais dès que tout ça, c'est fini, je compte un peu reprendre des projets que j'avais mis un peu en stand-by. C'est-à-dire le podcast auquel vous avez officié déjà. De ton podcast Improlix, bien de sûr. Improlix, podcast d'impro francophone où deux équipes de deux s'affrontent à coups d'humour et de beaux jeux d'impro. Voilà. On peut retrouver déjà combien d'épisodes? 5 épisodes pour la saison 1. Je vais commencer à réfléchir sur améliorer un peu le concept, mais. En vrai, je trouve qu'il en réécoutant les épisodes, je trouve qu'il marche bien, il amène bien les gens à improviser des trucs de fou, surtout sur la dernière impro. Donc je vais voir pour essayer d'enlever quelques longueurs, mais sinon moi j'aime bien. Bah, on vous conseille voilà. d'aller écouter, en plus il y a deux épisodes où avec Jules et moi on a participé, donc c'est trop bien. Et on rappelle, t'as un court métrage aussi, bon vieux, mais qui a bientôt oui. 1 million de vues. Alors oui. Bah, en gros, c'est un court métrage qui a été fait en 2014, qui a été fini en 2014, Exactement. Qui a été commencé en 2013, et qui a bientôt 1 million de vues sur YouTube. 980 000 actuellement. Voilà, et j'aimerais bien, ouais, du coup, ça serait cool qu'on passe la barre des 1 million, et qu'en même temps, en fait, peut-être c'est 10 ans, et j'inviterai peut-être les gens de l'équipe autour, peut-être pendant un live Twitch, pour débriefer un peu de tout ça et raconter tout ça. Je pense que ça serait une bonne occasion. Donc j'attends, ça monte, ça ralentit, mais voilà, je fais la pub, allez voir, tapez hors cadre sur la chaîne de CG Bro. Voilà, et vous pourrez voir tout le court métrage du coup, hors cadre Belcourt, pour être sûr de tomber sur le bon. Alors moi voilà. J'avais tapé hors cadre CG Bro et ça marche. Ouais, bah parfait, hors cadre CG Bro. Allez faire des vues. Faites des vues pour arriver à dépasser le million, on n'est pas loin. Et ça serait. Bourrez les urnes. Ça serait fou. Allez voter. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Pour l'actu récente. Quant à nous, Jules, donc on peut nous retrouver de temps en temps, enfin plus trop maintenant, mais ça va revenir. Sur la chaîne Twitch Turburier 2000 où on fait Exactement. Live de temps en temps. Et aussi sur notre YouTube Turburier 2000 pour retrouver les replays, tous les replays du PowerCast finalement, avec les versions vidéo des anciens PowerCast. Et vous retrouvez même celui-ci en version juste avec le son, mais une image qui fait jolie. Et vous pourrez aussi retrouver du coup notre unique pour l'instant court-métrage qui est déjà sorti sur cette chaîne. Mais on en a un autre dans les cartons qui sortira un de ces quatre un jour. Ouais, exactement. Et puis potentiellement d'autres projets quand moi je serai de retour sur Lyon, bien sûr. Mais donc suivez-nous sur YouTube, c'est cool. Suivez-nous et sur Spotify. Bah voilà, suivez-nous après voilà sur toutes les plateformes de podcast selon celles que vous préférez. Le PowerCast sur Spotify, sur iTunes, sur toutes les autres plateformes de podcast. Normalement, a priori, ça marche très bien. Et suivez-nous sur Insta aussi pour ceux qui veulent pour retrouver. Bah, c'est là où en fait on poste le plus nos actus quand on a des actus audiovisuels, j'ai envie de dire. Toi, des annonces de podcast notamment. Voilà, on annoncera celui-là sur nos Insta. Donc toi c'est Julie SS et moi c'est Clem of the Dead. Voilà, et puis on revient bientôt. On va en refaire un. Déjà, on en a un de programmé en version IRL en mai. Mais peut-être qu'on en fera un plus rapidement, on verra. Maintenant qu'on sait que cette config marche. Voilà, en tout cas, merci Camille et Fab d'être venus. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la config aussi marchait bien pour vous. C'était très bien. Et merci à toi, Jules, aussi, de m'accompagner toujours dans ce podcast. Ouais, merci incroyable. À toi de me tenir la main dans cette aventure. on est là, comme ça, tous les deux. On vogue, comme ça, sur notre podcast. On adore ça. Et on se retrouve donc bientôt. Merci à vous de l'avoir écouté. Passez une bonne journée, une bonne soirée, selon. Et puis, à très bientôt. Bisous. Bisous. Ciao. Ciao. Au revoir.